Bonjour, c'est Johan de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause et de filer sur patreon.com/podcastscience et de faire un petit don. Oh, même un tout petit, hein. Pour même pas le prix d'une très mauvaise bouteille de vin par mois, vous aidez à servir la science dans la bonne humeur. Et c'est notre joie. Merci, bon épisode. Ici, à Podcast Science, on vous parle de tout. D'astrophysique, de mathématiques, de biologie, de chimie. Et parfois, on fait des petits détours sur les sentiers merveilleux des sciences humaines. L'histoire, l'archéologie, la sociologie. Et il est des détours plus dépaysants que d'autres. Après vous avoir emmené au fond de nos bouches avec Christian Beulaire dans l'épisode 385 pour découvrir ce que sont les dents, ce soir, on vous emmène dans le passé, pour découvrir ce que les dents peuvent nous dire sur celles et ceux qui nous ont précédés. Bien plus que de simples outils pour mastiquer, les dents sont des mines d'informations sur les humains qui les ont eues en bouche, et c'est Perrine Munaro qui sera avec nous ce soir pour nous le démontrer. Nous sommes le 13 novembre 2019, vous êtes dans l'épisode 391, bienvenue sur Podcast Science. Ce soir, c'est moi et Léa qui sera maîtresse de cérémonie pour cette émission, qui commence avec notre traditionnel tour de table. Alors, pour l'équipe de Podcast Science ce soir, nous avons Claire depuis Paris. Hello! Nous avons Tup depuis Barcelone. Hello! Nous avons Pascal à la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde! Et du côté de nos invités, nous avons l'honneur d'accueillir Perrine Munaro depuis Paris. Bonsoir! Alors, avec nous, comme je vous l'ai dit, nous avons Perrine. Donc Perrine, tu es dentiste et pendant ta formation, tu as pu mener en parallèle des études d'archéologie et de criminalistique qui ont débouché sur une thèse dont on dévoilera l'intitulé un peu plus tard. Et donc, pour donner un peu de contexte, j'ai rencontré Perrine à Strasbourg il y a un moment maintenant, puisqu'on faisait du jeu de rôle ensemble, entre autres. Et quand j'ai appris ce sur quoi elle travaillait, je lui ai directement proposé de venir nous en parler à la première édition de Pint of Science à Strasbourg il y a 6 ans. Sa présentation fut évidemment brillante et passionnante, et la voici désormais rien que pour vous sur Podcast Science. Alors, Perrine, peut-être qu'on peut commencer l'interview en te demandant de te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices. Et en particulier, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as élaboré ce parcours universitaire un peu atypique ? Bah, alors, en fait, déjà, bonsoir. Là, que dire, sinon qu'effectivement, je suis actuellement dentiste et que j'ai plusieurs cordes à mon arc, dirons-nous. En ce qui concerne mon parcours universitaire, le fait est que j'ai pas vraiment élaboré grand chose, sans sou rien de tout ça n'était vraiment prémédité. Moi, en réalité, Quand j'ai passé mon bac, je me destinais à des études vétérinaires, donc j'ai commencé par faire prépa veto, et puis la difficulté de la prépa veto est proverbiale, ce qui devait arriver arriva, je me suis plantée, hein, voilà. Et malgré tout, je savais que c'était les sciences du vivant généralement qui m'attiraient le plus, donc je me suis tournée vers médecine. Mais étant quand même vraiment très manuel, j'ai toujours beaucoup aimé faire usage de mes mains, je me suis tournée vers la dentisterie puisque c'était la meilleure façon d'allier à la fois le côté science du vivant, la médecine, et puis le côté manuel avec la réalisation d'actes vraiment vraiment manuels. Et j'ai eu la chance de croiser à la faculté de Nancy l'un des anciens membres de cette faculté qui avait passé son doctorat de chirurgie dentaire en guise de tremplin, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, il voulait accéder à l'école du Louvre pour laquelle il fallait forcément être titulaire d'une thèse. Et la thèse de chirurgie dentaire, à l'époque, était celle qui se faisait en un minimum d'années, puisqu'il fallait 5 ans pour pouvoir être docteur en chirurgie dentaire. Et ensuite, il a effectivement fait l'école du Louvre, il est devenu archéologue, et pour pouvoir avoir quand même un toit, on va dire, universitaire, il était revenu à la faculté dentaire de Nancy. Donc c'est là que j'ai eu la chance de le croiser en cours de ma troisième année. Et comme bon moi de toute façon je suis une grande touche à tout, je suis éternellement curieuse et assoiffée de nouvelles choses, de connaissances. J'ai tout de suite pris contact avec lui et l'histoire faisant partie des choses qui m'avaient toujours passionnée, ben je me suis engagée auprès de lui pour commencer à travailler donc sur un master. D'abord j'ai fait mon stage d'initiation à la recherche pour pouvoir valider mon master 1, et puis après avec lui j'ai fait mon master 2 d'archéologie criminalistique, et puis ensuite j'ai passé ma thèse de chirurgie dentaire. Donc en réalité ça a vraiment été au fur et à mesure, je me suis laissée guider le nez au vent, n'est-ce pas, pour pouvoir avancer sur les choses qui me faisaient plaisir, et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à devenir à la fois chirurgien-dentiste et paléodontologue, en fait, puisque c'est le mot technique, dirons-nous. Paléo-odontologue. Paléontologue. Paléodontologue, oui, tout à fait. Claire, tu avais une question ? Oui, mais tu viens d'y répondre. Du coup, si je résume, c'était d'abord veto, et puis après médecine, et puis après les dons pour le manuel, et puis après, tu avais un intérêt pour l'histoire. Ouais, on va résumer ça comme ça. Bon, en gros, t'as un peu fait le parcours qui me fait trop, trop rêver, mais de toute façon, j'ai décidé qu'on viendrait les meilleurs amis du monde, c'est fichu. D'accord. Et du coup, ton métier aujourd'hui, tu te définis plutôt comme dentiste ou du coup comme paléodontologue, si tu devais mettre l'un avant l'autre? Ah bah là, j'ai malheureusement pas le choix, je suis dentiste au quotidien parce qu'il faut bien vivre, ma bonne dame. Et du coup, voilà. Donc, au quotidien, je suis dentiste, mais voilà, lorsque j'ai la tête dans les nuages, je suis clairement paléodontologue, oui. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette double spécialité? Est-ce que l'étude des dents, ça a toujours été quelque chose qui est présent dans le domaine de l'archéologie ou de l'anthropologie et vice-versa? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on étudie depuis très récemment? Alors, déjà, dans l'archéologie en elle-même, l'archéologie funéraire, c'est une construction relativement récente, puisqu'elle a été... Elle est vraiment passée à la postérité grâce aux travaux de Henri Dudet, qui a rédigé des ouvrages pour normaliser, on va dire, les techniques et les protocoles de l'archéologie funéraire. Et donc, c'est à peu près dans les années 80. Donc, c'est vraiment extrêmement récent comparé à l'histoire de l'archéologie en elle-même. Et donc, l'archéologie funéraire, avant cela, n'intéressait que très, très peu. En fait, c'était un peu du folklore. Ce qui intéressait généralement les archéologues quand ils arrivaient sur un site, c'était ce qu'on appelle le mobilier, c'est-à-dire le matériel, les armes, les bijoux évidemment, le mobilier aussi à proprement parler. Par exemple, dans les fouilles égyptiennes ou asiatiques, chinoises, on avait quand même pas mal de meubles, de petits coffrets, de choses, vraiment d'éléments de la vie courante qui ont été retrouvés. Donc ça, c'était vraiment les choses qui intéressaient, tout simplement parce que pendant très longtemps, l'archéologie, ça a été l'affaire de bonnes gens de la haute société qui payaient grassement des gens pour aller fouiller sur le terrain, et qui, une fois que tout était rapatrié en France, était dispatché. Enfin, tout le matos était dispatché à hauteur évidemment des contributions, n'est-ce pas, de chacun des membres des clubs d'archéologie, des sociétés archéologiques d'ailleurs. Et en fait, c'était ni plus ni moins qu'un moyen de briller justement en société. C'était moyen de se mettre en avant. Et pour mon stage d'initiation à la recherche, par exemple, moi j'ai fait mon étude sur une momie. Alors, la momie a été calcinée parce qu'elle a été conservée au musée de Lunéville. Et malheureusement, une des ailes du château de Lunéville, enfin, cela dit, le château de Lunéville flambe très régulièrement, à peu près tous les 2-3 ans. Et en l'occurrence, en 2011, la branche, l'aile dans laquelle était conservée la momie a pris feu. Et donc, j'ai pu, j'ai pu étudier un petit peu cette momie, puis retracer son parcours. Donc en fait, c'était une momie antinoéenne qui avait été allouée, on va dire, à un bourgeois de Lunéville, qui l'avait. En fait, la momie ne servait à rien d'autre qu'à faire beau dans son salon. Voilà, donc c'était clairement, c'était de la déco. Mais sinon, en soi, enfin, il n'y a personne qui s'est posé la question de savoir en dessous, à l'intérieur, l'individu, comment il était conservé, comment il était préservé, ses problèmes de santé. Ça n'avait mais aucune espèce d'importance. Le but, c'était simplement de montrer par sa présence dans le salon qu'on avait affaire à quelqu'un qui se considérait comme érudit, qui accessoirement aussi avait des richesses suffisamment pour pouvoir en allouer à la recherche archéologique. En plus, recherche archéologique internationale. Et puis, alors, l'Égypte, évidemment, c'était classe, n'est-ce pas? Et donc, du coup, cette momie, elle à la mort, on va dire, de son possesseur, sa veuve l'a confiée au musée de Lunéville. Et c'est là qu'elle a été conservée, ben, ma foi, jusqu'à ce tragique incendie. Et jusqu'à ce que je puisse, moi l'étudier. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, en fait. Il y a énormément de vestiges humains qui n'étaient là que pour faire beau, qui étaient utilisés comme des bibelots, sans aucune considération pour le fait que ça reste un être humain qui, à un moment donné, a vécu, qui est décédé, qui a subi des rites funéraires et qui s'est retrouvé là, comme ça, sans avoir rien demandé à personne, dans un salon pour faire beau, quoi. Et pour faire parler les curieux. Et donc, c'est vraiment, pendant très, très, très longtemps, en archéologie, ça a été, l'archéofunéraire, c'était vraiment nul et non avenu, en fait. Ça servait à rien d'étudier la population, puisque, à la limite, on en savait déjà bien assez avec les bijoux et tout ce qu'il y avait autour, on va dire, du mort. OK. Donc, vraiment, très tardivement, c'est Henri Dudet qui s'est dit que peut-être, éventuellement, il serait intelligent d'étudier les gens en fait qu'il y avait dans la tombe plus que tout le matos qu'il y avait autour. Et donc bon, d'abord évidemment on s'est intéressé aux ossements vraiment purs et durs, et c'est relativement récent qu'on s'est vraiment concentré sur les dents pour essayer d'en tirer un petit peu plus. Déjà, ne serait-ce que parce que, mine de rien, même dans l'anthropologie, il y a très peu de d'apprentissage et d'heures de cours qui sont allouées uniquement à la connaissance de la dentition, sa formation, ses pathologies, ce genre de choses. Et forcément, les anthropologues n'ont pas une formation suffisamment... Enfin, à mon sens, hein, évidemment, on leur fournit pas suffisamment d'informations pour pouvoir aller chercher et étudier en détail, à moins que eux-mêmes ne décident de se spécialiser par après. Hein. Mais on leur donne pas suffisamment d'informations pour pouvoir vraiment étudier en profondeur tout ce que les dents peuvent raconter. Mm-hmm. Ok. Alors je viens de regarder sur internet, Henri Dudet, c'est les années 80 du coup. Oui, c'est ça. Ok, donc c'est vraiment super, super récent. Ah, complètement. C'est parce que, enfin, moi, l'a priori que j'avais de l'archéologie et de l'anthropologie, généralement, c'est que ça fait vachement longtemps qu'on s'intéresse aux hommes du passé, mais en fait, non, pas tant que ça, c'est vraiment... Ah bah, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus à l'histoire de manière générale. En fait, on s'intéresse aux clinquants du passé. Ok. Et ça a toujours été le cas, même quand, à partir du moment où... Les fastes du monde antique sont revenus, on va dire, au goût du jour. C'était souvent parce que c'était premièrement très fantasmé, et ensuite c'était vraiment pour le côté clinquant, le côté festif, le côté purement visuel. Mais en fin de compte, savoir comment les gens ont vécu la sociologie en elle-même, c'est quelque chose de très très très récent. Ouais. Ok. Alors du coup, bah peut-être qu'on va parler un peu de ce que tu as fait pendant ta thèse justement sur ce sujet. Donc Claire, je te laisse. Ouais, moi j'aime bien lire les titres des thèses, et je trouve que des fois les titres des thèses, ils méritent une thèse pour expliquer les titres quand t'as pas fait le. Alors là, ça va encore, la tienne, je trouve qu'elle est à peu près lisible. Disons qu'il y a du vocabulaire qui parle à tout le monde, mais enfin, si je redonne le titre de ta thèse, c'est « Temps de guerre, temps de paix, influence du contexte sociologique sur l'état bucco-dentaire au IVe siècle avant J.C. à Lisieux, Calvados ». Alors, pour les curieux qui auraient très envie de lire ta thèse, est-ce que tu peux nous faire un petit abstract hyper alléchant? Alléchant. Ouais, alléchant pour mettre l'eau à la bouche, hein, justement. Absolument, voilà. Alors, l'intérêt de... Enfin, cette thèse, en fait, le 4e siècle avant, après Jésus-Christ à Lisieux, en fait, le 4e siècle, c'est vraiment le siècle pendant lequel Rome a chuté. Donc, c'est typiquement le siècle charnière entre le monde antique et le monde... tout ce qui va être l'époque mérovingienne. Et c'est vraiment une époque qui a été très bien documentée, en tout cas dans la région normande, qui a été très bien documentée comme étant séparée en quatre périodes de 25 ans. Lisieux s'est installée pendant le premier quart, elle a prospéré pendant le deuxième quart, pendant le troisième quart, elle s'est fait ravager par plein de gens, pas très bien attentionné, donc du coup c'était vraiment vraiment le cirque pendant le troisième quart, et le quatrième quart elle a péniblement essayé de se relever, mais elle a quand même essayé de refleurir un petit peu. Donc du coup l'intérêt de cette thèse, c'est tout simplement d'essayer d'étudier des individus qui ont vécu soit dans une période faste, soit dans une période tourmentée, et d'étudier les pathologies dentaires et tout ce qu'on peut observer aussi autour des dents pour essayer de discerner l'influence du contexte sociologique sur l'état bucco-dentaire, en fait. C'est-à-dire, est-ce que quand la population est florissante, que tout va bien globalement, on va avoir certains marqueurs de l'état bucco-dentaire, et est-ce que quand, par contre, ça ne va pas du tout, qu'il y a des invasions, que c'est la guerre, que la population est en souffrance, est-ce qu'on va avoir d'autres marqueurs qui sont différents et qui permettent de noter vraiment de noter une différence notable entre ces deux contextes sociologiques, en fait. Ok, cool. C'est trop bien. Je suis en train de me dire, j'ai le droit d'écrire un article sur ta thèse ou pas? J'ai une petite... Petite question, curiosité, parenthèse, pour le titre de ta thèse, le fait de commencer par tant de guerre, tant de paix, est-ce que c'est une référence à un autre ouvrage ou une référence littéraire, ou c'est juste... Ah non, pas du tout, c'est juste... Okay. Voilà. Je me suis dit peut-être que tu voulais faire une petite référence guerre et paix... Non, pas du tout. Très bien. alors, du coup, en préparant l'émission, je suis allée lire ta thèse, et en fait, en lisant l'introduction, j'ai un passage que j'ai lu qui m'a fait un peu réfléchir. Alors, je me permets de citer ta thèse, du coup. Et je t'en prie. Au début de l'intro, tu dis « La présence de chirurgiens-dentistes sur les chantiers de fouilles ou parmi les équipes d'anthropologie de laboratoire est anecdotique. Pourtant, la dent est un élément fondamental de la vie. L'alimentation y laisse des traces. Elle entraîne douleurs et parfois complications infectieuses. Elle peut influer sur le corps autant que le corps peut influer sur elle. Elle est un moyen particulièrement efficace d'obtenir des réponses à certaines questions anthropologiques et notamment au sujet du contexte sociologique dans lequel s'est inscrite la vie des individus d'une population donnée. » Et alors, quand j'ai lu ça et que j'ai réfléchi un peu, c'est vrai que ça m'a paru tellement évident de se concentrer sur la dent, donc c'est encore plus surprenant que tu me dises que ça se fait depuis très peu de temps. Alors, à ce propos-là, est-ce que tu peux du coup nous expliquer quel type d'informations justement on peut extraire d'une mâchoire sur un site archéologique et quelles sont les informations les plus importantes selon toi ? Alors, des informations, déjà, il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment plein, en fonction de ce qu'on veut bien se donner la peine d'aller chercher. Les informations les plus importantes, en réalité, ça va dépendre un petit peu ce qu'on cherche et ce qu'on a envie de mettre en exergue. Alors déjà, le premier intérêt de l'étude des dents, mais ça, après, c'est aussi des choses qu'on peut étudier par ailleurs, ça va être de pouvoir établir un âge relativement précis. Alors, l'âge va être particulièrement précis à partir du moment où on se situe sur un individu qui a moins de 20 ans. Puisque vraiment on a un échelonnement de l'apparition et de la mise en place des dents qui est relativement bien documenté. Mmh. Ça c'est vraiment, on va dire, c'est ce qu'on voit tout de suite en observant les dents. Après, on va aussi mine de rien avoir une idée sur un état de santé général, parce que si on se retrouve avec une belle mâchoire, avec des belles dents qui sont en bonne santé, bon, a priori, on va quand même imaginer que l'individu était en relativement bonne santé. Par contre, c'est sûr que si on voit des dents qui sont complètement infectées, qu'on voit des lésions un petit peu partout, fatalement, l'individu, par contre, va être beaucoup plus affaibli par ces lésions infectieuses et par ces populations bactériennes contre lesquelles il va essayer de lutter un petit peu comme il pourra. Et d'ailleurs, même à l'heure actuelle, hein, il est parfaitement possible de déclencher une septicémie suite à des infections dentaires. Donc, on peut parfaitement, dans certains cas, en voyant les mâchoires, se dire, c'est pas non plus complètement délirant de se dire que potentiellement c'est ça qui l'a embarqué, quoi. En tout cas, qui l'a un petit peu poussé vers la tombe. Donc, c'est vrai que ça donne déjà, dans un premier temps, une bonne estimation de l'état de santé général de l'individu. Mmh. Après, et alors, si je peux juste me permettre une question sur l'âge, du coup, tu dis avant 20 ans, on a donc c'est plutôt le plan d'apparition des dents qui va te donner l'âge de la personne. Tu m'enlèves la question de la bouche et là, je me demandais ce que vous regardiez pour l'âge. Alors en fait, il existe des travaux qui ont été réalisés par un anthropologue américain qui s'appelle Hubelecker, qui a défini un diagramme extrêmement précis. Alors bon. Il est assez discuté parce qu'il l'a développé à partir des populations nord-américaines. Et du coup, c'est discutable de dire que, de par le monde, toutes les populations ont vraiment, au mois près, exactement le même processus. Malgré tout, le fait est que ça reste quand même quelque chose qui donne un ordre d'idée assez précis. Donc en fait, ce diagramme, il représente... Alors déjà, les dents de lait, dans un premier temps, évidemment, et puis les dents définitives, la manière dont elles sont élaborées, la manière dont elles se sont mises en place, si elles sont sur la mâchoire, si elles sont encore en train de pousser, si elles sont encore dans l'os, si les racines sont totalement édifiées, et en fonction de quelle dent en est à quel stade, on peut vraiment, sans trop de soucis, évaluer quel âge a l'individu, en fait. Donc du coup, tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait très facilement identifier l'âge des personnes avant 20 ans. Alors pourquoi avant 20 ans? Pour quelle raison avant 20 ans? Parce que la dernière dent à se mettre en place, à savoir la dent de sagesse, elle arrive entre 18 et 20 ans. Et une fois qu'elle est en place, c'est la toute dernière à vraiment se mettre en place. Donc tu vois qu'elle est sur l'arcade, il n'y a plus de progression, il n'y a plus de modification, normalement. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on n'a plus de modification de stade de dentition qui nous permettent de faire une différenciation entre une année et la suivante, en fait. Alors qu'auparavant, et à partir du moment où il y a des dents qui sont... à partir du moment où l'enfant vient au monde, il est évident qu'il a déjà les germes de ses dents, même si elles sont pas encore, s'il n'y a pas encore eu d'éruption. Donc... De sa naissance jusqu'à l'éruption de sa dent de sagesse, chacune des dents va progresser, venir se mettre en place. Les dents de lait, une fois qu'elles sont en place, en dessous, il y a déjà les germes des dents définitives, qui vont progresser, qui vont tranquillement se rapprocher de la crête osseuse, qui vont réaliser ce qu'on appelle la rhizalyse, c'est-à-dire qui vont résorber les racines des dents de lait. Ensuite, les dents de lait vont tomber puisqu'elles n'auront plus de racines. Les dents définitives vont prendre leur place. Et une fois qu'elles auront fait leur éruption, qu'elles se seront mises sur l'arcade, leurs racines vont petit à petit terminer de s'édifier. C'est-à-dire qu'une dent définitive, quand elle arrive sur l'arcade, leurs racines ne sont pas terminées. Et en fonction vraiment des dents, lesquelles sont sur l'arcade, lesquelles sont en préparation, si les racines sont terminées, si elles ne le sont pas, en fonction de ça, on a vraiment une idée relativement précise de l'âge de l'individu, puisque tout a été vraiment étudié et rassemblé, on va dire, dans le fameux diagramme du Hubelecker, qui est donc relativement discutable et discuté parce que lui, il s'est concentré sur une population nord-américaine et que il est évident qu'on peut considérer comme relativement cavalier d'extrapoler à la population humaine mondiale, mais malgré tout, ça donne quand même force de constater que, à part peut-être à quelques mois après, ça reste d'une acuité assez assez intéressante et ça donne des informations assez précieuses. Et donc cette échelle, elle date de quand à peu près ? Hubelecker, que je dise pas de bêtises, ça a dû être fait dans les années 60. Je vais vérifier. toc, toc, toc, les années 70 plutôt. Ok, années 70. Donc à partir de là, on a précisément un timing de développement des dents qui permet du coup de dater l'âge des individus avant 20 ans. Et alors, du coup, après 20 ans, est-ce qu'il y a des méthodes pour faire ça étudier, alors en se basant uniquement sur les dents, on va regarder un petit peu l'usure des dents, savoir si elles ont l'air d'être toutes jeunes, toutes neuves, ou si elles sont complètement usées, aura de la gencive. Évidemment, on va avoir quand même une estimation, même si c'est quelque chose d'assez... assez flou. En anthropologie, par contre, ce qu'on va étudier, c'est le pourcentage de fermeture des sutures crâniennes. C'est-à-dire que le crâne est constitué de différentes plaques osseuses qui sont reliées entre elles par des articulations un petit peu particulières, ce qu'on appelle des synchondroses. Donc, en fait, le principe, c'est qu'elles sont emboîtées les unes dans les autres et on a un cartilage qui fait une suture entre chacune de ces pièces. Ce cartilage, en fait, il s'ossifie tout au long de la vie, jusqu'à arriver à peu près aux alentours de 75 ans, où là, chacune des sutures est complètement fermée, en fait. Donc, on a des diagrammes, des tables, un petit peu des tables d'études de chacune de ces sutures pour voir à quel pourcentage elles sont fermées. Et ça va donner une évaluation de l'âge de l'individu, en fait. Du coup, c'est intéressant, tu es en train de dire que finalement, tu t'intéresses surtout aux dents, mais on regarde l'ensemble de l'individu, on ne s'intéresse pas uniquement aux dents. Bah, oui, parce que aussi vrai que la dent fait partie de l'individu, l'individu n'est pas constitué que de ses dents. Donc, c'est vrai qu'on va chercher souvent des recoupements d'informations entre ce qu'on observe sur les dents et ce qu'on observe sur l'individu au sens large. Ça fait sens. Alors, sur ces méthodologies-là que tu utilises, est-ce qu'il y en a qui sont justement très, très spécifiques à cette profession de paléo-odontologue, donc des choses que vous ne faites que vous et pas les autres paléontologues, en termes, je ne sais pas, d'analyse, de prise en charge des échantillons, etc. Après, non, globalement, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plus de recul sur la connaissance de l'anatomie, sur la connaissance de ce qu'on va pouvoir aller chercher sur les dents, sur les structures. Mais après, les méthodos, c'est quelque chose qui est relativement proche de toutes les méthodos d'archéologie de manière générale. Et après, encore une fois, c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, on va trouver sur les dents un peu ce qu'on ira chercher et il faut avoir un labo, il faut avoir un petit peu de matériel pour pouvoir partir un petit peu en exploration. Mais après, nous, nos techniques à nous, voilà, on n'a pas inventé la poudre, hein. On fait toujours, c'est à la fois théorique et empirique, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va chercher. Parfois, il faut savoir faire preuve d'ingéniosité, il faut essayer de s'adapter, il faut essayer d'aller se creuser les méninges pour trouver des bonnes méthodes pour pouvoir observer ce qu'on souhaite aller chercher, en fait. Alors, on va mettre une photo dans la chatroom d'un chantier sur lequel tu étais, du coup, c'est une photo de... Alors, en fait, c'est un chantier que j'ai visité. C'est une église normande avec une nécropole à l'intérieur qui s'étendait... Alors, de mémoire, c'était du 10e au 16e ou 17e. Il y avait plusieurs individus et il y avait à la fois du médiéval et à la fois du moderne. Donc du coup, c'était... Donc individu, tu parles des squelettes, tu parles pas des archéologues Non, je ne parle pas des archéologues sauvages. En fait, j'avais utilisé cette image, donc ce joli fond d'église creusé avec tout le dallage qui a été enlevé, et puis donc où on voit les fondations on voit les murs de fondation qui émergent un petit peu du sol, et puis des archéologues qui sont en train d'étudier un petit peu tout ça. J'avais utilisé cette image pour illustrer en fait les difficultés. Du terrain et de comment dire, de l'état dans lequel on va retrouver les individus qui ont été inhumés en fonction de l'état du sol. Là, en l'occurrence, ce qu'on peut deviner en regardant un peu les murs de l'église et puis un petit peu l'état du sol, c'est que c'est un environnement qui est extrêmement humide. Et donc, du coup, quand on a énormément d'humidité, forcément, on va avoir un petit peu plus de mal à avoir une conservation optimale des restes osseux. Et ce qui fait que ce qui va disparaître généralement dans ces moments-là, que ce soit purement à visée odontologique ou que ce soit à visée anthropologique de manière plus générale, c'est tous les os les plus fins en fait vont se dissoudre. Et nous, en tant que paléodontologues, ce qui nous embête, c'est que autant la mâchoire du bas est extrêmement dense et solide et a énormément de mal à complètement se disparaître en fait au cours du temps, autant l'os maxillaire, donc la mâchoire du haut, c'est un os qui est extrêmement fin, c'est du papier de cigarette, et au bout d'un moment, il finit par disparaître. Donc le problème, c'est que on peut très très bien se retrouver avec juste les dents et l'os qui les entoure, et c'est tout. En fait, plus rien autour. Donc du coup, on n'a plus d'articulation logique entre ces morceaux, ces fragments de maxillaire et le crâne en lui-même. Donc on peut pas étudier l'occlusion, on peut pas. Donc l'occlusion, c'est la manière dont on serre les dents. On peut pas étudier tout ça, on peut pas voir même. Des fois, c'est tellement poussé que c'est juste on a des dents, voilà, qui sont dans la terre et on n'a plus rien d'autre. Donc du coup, évidemment, on peut pas avoir d'aperçu sur les pathologies associées, sur les ce qu'on appelle les parodontolyses, c'est-à-dire toutes les pertes osseuses, ce qu'on appelle à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le déchaussement des dents. Ça permet de mieux visualiser et donc ça c'est pareil, on peut pas du tout l'étudier puisque par définition la parodontolyse a été tellement complète que du coup il y a plus d'os du tout. Donc comme ça ça nous enlève énormément d'informations. Parodontolyse, c'est la dissolution des dents. En fait, le parodonte, c'est ce qui entoure la dent. Ouais. C'est paradontos. Et en fait, la parodontolyse, c'est la destruction du tissu qui entoure la dent. D'accord. Je crois qu'à ce sujet, Claire a des questions, du coup. Mais vas-y. Pardon, je démute le micro. En fait, je ne me passionne que tu es en train de raconter, donc je suis en train de swifter sur mes écrans pour prendre plein de notes à côté. du coup, je reviens juste un petit peu plus tôt. On parlait de ce qu'on peut dire, finalement de l'individu à partir de ses dents. On a parlé de l'âge qui est plus précis avant 20 ans. Tu as parlé de l'état de santé de façon générale. Est-ce qu'il y a d'autres infos qui peuvent être données? Je pensais au sexe. Et j'avais aussi une question parce que, alors, sauf si j'ai rêvé, tu disais que le diagramme d'Huber-Egger, il était un petit peu remis en question parce qu'il avait bossé sur une ethnie un peu... Alors, ouais, Huber-Egger, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a bossé effectivement sur une ethnie. Alors, de mémoire, c'était vraiment nord-américain. Je ne sais pas si c'était même pas genre en Alaska ou un truc comme ça. D'accord. Du coup, si je fais le corollaire, ça veut dire qu'avec le développement des dents, on arrive à avoir une idée de l'origine ethnique de la personne? Alors... je vais répondre de manière très globale. Je vais revenir sur le sexe. À l'heure actuelle, il n'y a aucune étude suffisamment... aucune étude ne montre qu'il est pertinent de pouvoir qualifier un sexe à partir des dents. Il n'y a pas particulièrement de... Enfin, les femmes n'ont pas des dents plus petites ou plus grosses ou plus larges ou plus machin. Globalement, pour ça, il n'y a pas de dimorphisme sexuel au niveau des dents. Globalement. Donc on va plus éventuellement se fier à l'anatomie de l'arcade, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment une mâchoire très puissante, est-ce qu'on a une face qui est relativement menue ou plutôt ce genre de choses. Et puis bon, comme si on a du bol, on a vraiment le crâne en entier, on va utiliser plutôt d'autres éléments du crâne pour essayer de recouper ça. Mais à l'heure actuelle, en anthropologie, la seule chose qui permette de manière validée par les anthropologues de manière générale, la seule chose qui permette de valider le sexe observé, c'est l'étude de l'échancrure ischiatique au niveau du bassin. Donc en fait, c'est ni plus ni moins, pour être comment dire, trivial, c'est l'endroit où passe le bébé. En fait, c'est-à-dire que c'est le bassin, c'est un os qui, enfin c'est un ensemble d'os qui est circulaire. Et au niveau des deux os les plus volumineux, les grandes ailes en fait qui sont de chaque côté du bassin, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une échancrure, c'est-à-dire que ça fait un angle plus ou moins ouvert. Et il est très ouvert en général chez les femmes, et il est plutôt très fermé en général chez les hommes. Je dis en général parce que tout ça, c'est des statistiques. Et donc, on va étudier des angulations, des mesures, on va faire plein de mesures au niveau du bassin, et on a des logiciels qui nous permettent de faire des recoupements et du coup de donner une estimation à tant de pourcents près du sexe de l'individu. Et c'est vraiment la seule chose à l'heure actuelle qui soit vraiment reconnue comme étant un élément de détection et d'établissement du sexage en fait de l'individu. Moi, j'avais aussi entendu dire que derrière le crâne, tu avais la crête occipitale qui était plus marquée chez les hommes que chez les femmes. En fait, ouais, il y a plein de trucs. Pas consensus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pareil. Il y a aussi l'angle nasofrontal qui va jouer, le processus mastoïde. Il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être étudiés, mais vraiment qui vont plus ou moins. Tu vas pouvoir les rajouter si tu veux dans ton. Dans ton analyse, tu vas pouvoir corroborer en fait ce que tu as observé en fonction de ton bassin. Ou alors, si t'as pas ton bassin, bah effectivement, tu vas bien être obligé d'aller chercher un petit peu ailleurs. Donc, tu vas dire bon bah là, j'ai un angle nasofrontal qui est très fermé, j'ai un processus mastoïde qui est très volumineux, qui fait plus de 3 cm, enfin, ce genre de choses. Et donc, tu vois, globalement, ça a l'air d'être plus des caractères masculins. Voilà. Mais à ce moment-là, c'est une tendance. Tu établis une tendance. Ok, c'est hyper intéressant. ça me fait plaisir. Et ta deuxième question concernait... Du coup, il y avait corrélation entre la mise en place des dents et si tu pouvais avoir des indices sur l'origine ethnique de la personne en regardant sa dentition. Alors oui. Alors ça, par contre, effectivement, tout simplement parce qu'il y a des particularités anatomiques des dents qui sont héréditaires, et donc du coup qui vont se retrouver plus dans une ethnie que dans une autre. Je pense notamment, les populations asiatiques ont souvent une cuspide supplémentaire sur leur prémolaire. Okay. Alors les cuspides, c'est les pointes des dents. Et donc très souvent, c'est très répandu qu'on se retrouve avec des cuspides supplémentaires, des cuspides crochetées qui sont assez assez caractéristiques. Tu vas aussi avoir énormément de populations qui, enfin énormément. Tu vas avoir certaines populations qui vont présenter un taux très supérieur à d'autres de par exemple de bicuspidie de canines biradiculées, c'est-à-dire que normalement la canine elles ont qu'une seule racine. Et donc tu vas avoir les canines qui vont être constituées de deux racines en fait. Tu vas avoir aussi des prémolaires qui vont être triradiculées, c'est-à-dire qu'elles vont avoir 3 racines au lieu de 2. Donc en fait, chacune de ces spécificités va orienter. Enfin, c'est-à-dire que s'il y en a un tout seul au beau milieu de nulle part, on peut difficilement dire que cette population est plutôt à tendance asiatique. Par contre, si sur une population de 100 individus, tu en as 98 qui présentent les mêmes signes et puis il y en a 2 qui ne les présentent pas, bon là par contre, on va pouvoir quand même établir une tendance au niveau de l'ethnie. Juste petite digression, mais j'imagine qu'il y a aussi des ethnies qui traditionnellement font des trucs sur leurs dents, genre des mutilations dentaires ou des choses comme ça. Ça donne aussi des indices, j'imagine, ce genre de trucs. Oui, alors après là, ça fait partie de ce qu'on appelle la tracéologie. Ok. La tracéologie, c'est pas uniquement lié aux dents. Mm-hmm. C'est vraiment l'étude de la trace laissée par le geste humain sur tout support, en fait. Donc, la tracéologie, ça va permettre d'étudier les personnes qui effectivement vont tailler leurs dents ou qui vont les limer d'une certaine manière ou qui vont les utiliser dans le cadre d'une profession et qui vont vraiment laisser une trace très précise, méthodique, toujours de la même manière, et qui va pouvoir être décrite, analysée, et qui va pouvoir nous permettre de tirer des conclusions. En fait. Ok. Et Claire, il y avait peut-être des questions dans la chatroom sur la conservation des dents, non ? Ouais, en fait, j'ai plein de questions, mais il y a aussi les auditeurs qui ont plein de questions à te poser. Donc, je vais un peu faire remonter leurs questions parce qu'on en a déjà plein. Et je profite du moment pour en t'en faire remonter quelques-unes parce que tu as parlé juste avant qu'on reparle de ce qu'on peut dire à partir des dents. Tu parlais des petites dents qui peuvent être dissoutes. Alors, du coup, on a 3, 4, 5 qui... Non, c'est lui qui nous demandait... Non, c'est Max et la vie. Les dents, c'est très solide et c'est difficile à détruire, mais est-ce que ça se dissout bien dans l'acide? Et il nous précise que la question est pour un ami. Alors, tu pourras dire à ton ami, cher ami, il suffit qu'il picole du coca pour qu'en l'espace d'un an, il n'ait plus de dents. C'est pas mal, ça. Donc, ça dépend. Ouais, c'est pas mal pour Coca-Cola. En fait, l'acide, c'est effectivement la seule chose qui va avoir raison de la dent, puisqu'en fait, l'émail, c'est un cristal, hein, c'est un cristal d'hydroxyapatite, qui, comme tout cristal, va avoir un pH, une acidité dans laquelle elle est stable, et si on se retrouve dans des conditions de pH qui ne sont plus favorables, bah, du coup, les liaisons chimiques se séparent et on se retrouve avec une dissolution du cristal d'émail. Donc, du coup, en fait, l'acide, de manière générale, et on n'est pas obligé d'aller... j'ai vu passer, il me semble, l'acide orthophosphorique. L'acide orthophosphorique, en fait, c'est celui que nous, on utilise en dentisterie pour pouvoir faire des micro-cavités sur la surface dentaire pour pouvoir y mettre un adhésif et ensuite un composite, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une adhésion chimique et mécanique au niveau d'une dent. Et accessoirement, l'acide orthophosphorique, c'est celui qui rajoute dans le coca zéro pour pouvoir rajouter de l'acidité qui n'est pas apportée par le sucre. Tu étais en train de me faire revoir tout mon questionnement de mon alimentation, là. Ah ben, je suis bien navrée, mais sincèrement, le coca, c'est vraiment... c'est le mal. Hein, on va remettre les choses quand même... voilà, on va remettre l'église au milieu... du village. Le coca, pour nous, c'est vraiment, c'est l'horreur. Il parlait de l'acide fluorhydrique aussi sur la chatroom. L'acide fluorhydrique, c'est aussi... Soyons sincères. Oui. Alors, l'acide fluorhydrique, mais c'est pareil, j'ai envie de dire. Surtout que celui-là, on l'utilise, nous aussi, en dentisterie, c'est carrément pour aller faire des microporosités sur de la céramique. Donc, là, c'est carrément... Là, on arrive sur du haut niveau quand même. Alors après, pour pouvoir mettre soi-même de l'acide fluorhydrique sur ses dents, faut s'en vouloir quand même personnellement, on est bien d'accord. Et sinon, donc, on n'est pas obligé d'aller taper dans des acides aussi forts. C'est-à-dire que les acides produits par les bactéries, à savoir l'acide lactique et l'acide butyrique, sont largement suffisants pour pouvoir mettre les dents dans des situations d'acidité qui rendent l'émail labile. Donc voilà. Bon, puisqu'on est dans les acides et le coca, j'ai une question de 3, 4, 5 aussi qui dit « Il m'est arrivé de trouver des crânes. » J'aime bien les auditeurs ce soir, les pouditeurs, vous me plaisez beaucoup. « Il m'est arrivé de trouver des crânes. Quel meilleur moyen pour le garder, le nettoyer? Est-ce que je le mets dans la terre avec une fourmilière ou bain eau de javel ou le fameux coca ?» Alors bah le coca on va éviter parce que de toute façon l'émail c'est de l'hydroxyapatite mais l'os aussi, c'est juste que c'est la maille de cristallisation qui n'est pas la même. Donc du coup le mettre dans le coca, le crâne il va quand même un peu prendre cher. Alors il va être bien blanc, hein, y a pas de problème, mais du coup il va quand même pas forcément être super bien super super top. Donc du coup par contre le mettre avec les fourmis, ça sous-entendrait qu'en fait sur ton crâne il y a encore de la viande, du coup je m'inquiète. Parce que du coup si tu trouves pas mal de crânes avec encore de la viande dessus, c'est flippant. Il faut que tu arrêtes d'aller dans les cimetières, ça suffit. C'est voilà. Sinon si c'est juste une histoire de nettoyage de terre et ce genre de choses, tout simplement le tremper dans de l'eau, en fait le laisser tremper dans de l'eau pour que vraiment la terre puisse se dissoudre, se décoller. On peut y aller avec une brosse à dents souple, vraiment souple, hein, délicatement pour aller frotter, mais il faut éviter d'aller chercher dans les fosses nasales, ce genre de choses, parce que sinon là les os sont vraiment extrêmement fins. Et tout va éclater. Donc, il faut vraiment éviter d'aller trop trifouiller dans les endroits où on a les os les plus fins. Donc, typiquement, c'est les os de la fosse nasale qui sont les plus fins et qu'il faut éviter d'aller d'aller embêter avec la brosse à dents. Il vaut mieux, voilà, tout simplement le laisser tremper, le laisser dissoudre tranquille, un petit peu le, voilà, quand il est bien trempé dans l'eau, que ça a bien eu le temps de dissoudre et de ramollir la terre. Secouer un petit peu pour essayer de décoller vraiment tout doucement dans les endroits où l'os est bien solide, mais où on a des morceaux de terre qui sont un petit peu trop durs, ben voilà, avec la brosse à dents, décoller ça délicatement. Et puis après, tout simplement le faire sécher. Une fois que l'os est sec, de toute façon, il est à l'abri, hein, il tient la route, il n'y a pas de souci. La petite recette de Perrine pour sécher vos crânes le week-end à la maison. Absolument! Pourquoi c'est pas ça comme émission à la télé le dimanche? Encore peut-être quelques questions. On était sur les ethnies. Il y a aussi 345 qui est particulièrement en forme ce soir, qui dit que la variabilité génétique, elle est supérieure dans l'Afrique que dans le reste du monde. Est-ce que ça veut dire que la variabilité est aussi plus importante en nombre de cuspides que juste entre ethnies type asiatique? Alors là, du coup, je vais être honnête, je suis pas suffisamment spécialiste en ethnie africaine toute confondue pour pouvoir vraiment répondre à cette question. Après, c'est pas impossible qu'effectivement, vu que la variabilité génétique est quand même plus poussée, qu'on ait des variations morphologiques. Alors après, tout ce qui est la cuspide supplémentaire, c'est vraiment propre aux populations asiatiques. Par contre, il y a tout un tas d'autres manières d'avoir des variations au niveau dentaire, en fonction du volume dentaire, en fonction de la forme, en fonction de tout un tas de choses. Donc, franchement, c'est pas du tout impossible, mais je vais pas dire des bêtises. Je suis pas spécialiste des populations africaines, donc je ne saurais pas répondre vraiment en détail à cette question. Mais c'est pas du tout impossible qu'effectivement il y ait encore plus de variabilité si on fait des statistiques de mesure des dents, de volume des dents et de description vraiment de l'anatomie dentaire, qu'il y ait plus de variabilité d'un bout à l'autre de l'Afrique que partout ailleurs dans le monde, effectivement. Ok. Alors, on a fait une petite digression à travers le monde, du coup. Donc, tu nous disais que dans ton travail, les caractères qui t'intéressaient, du coup, c'était donc la dentition des individus, que ça pouvait renseigner sur l'âge, sur les éventuelles maladies. Donc ça, c'est, j'imagine, la partie plutôt évidente, qui se voit bien, quoi. Est-ce qu'il y a des détails un peu plus microscopiques ou un peu plus poussés que tu peux tirer de ces dents et de ces crânes pour tirer des conclusions sur les choses? Alors, là encore, il y a deux niveaux d'études. Il y a la dent en elle-même et il y a toutes les choses qui sont autour. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement précieux en dentisterie, c'est le tartre. Parce que le tartre, en fait, c'est quelque chose qui s'élabore de manière très lente, en fait, qui s'élabore par la calcification de la plaque dentaire, c'est-à-dire c'est la salive qui est muqueuse et qui va emprisonner en surface de la dent des débris d'alimentation, évidemment, mais aussi des choses qui sont en circulation dans l'air, c'est-à-dire de la poussière, ce genre de choses. Et là-dessus, la salive va apporter aussi du calcium qui va précipiter, qui va former un cristal, le tartre, en fait. Donc dans le tartre, on va avoir énormément d'inclusions. On va avoir des inclusions bactériennes et on va avoir des inclusions aussi d'éléments donc extérieurs, d'éléments ce qu'on appelle du paysage. Donc à partir de ces éléments-là, on va pouvoir faire de la dendrologie, on va pouvoir faire de la carpologie. Donc la dendro et la carpo, c'est l'étude des fibres végétales et notamment des fibres de bois, et la carpo, c'est l'étude du pollen, en fait, des graines de manière générale. Et donc évidemment, après en étude microscopique, ça nous permet de savoir exactement dans quel environnement évoluait l'individu, et on peut très bien retrouver de manière régionale, en fait, reconstituer en fonction des éléments qu'on retrouve dans le tartre, et ben à l'époque de vie de ces individus, dans quelle situation ils vivaient, en fait. Est-ce que c'était un endroit où il y avait beaucoup d'arbres? Est-ce que c'était un endroit où il y avait plutôt beaucoup de champs? Est-ce que c'était et puis de quoi étaient constitués ces champs et quels étaient les arbres qu'il pouvait y avoir autour d'eux? Et vraiment, ça permet de les replacer en fait dans leur contexte de vie. En fait, est-ce que c'était plutôt pastoral, est-ce que c'était plutôt boisé, est-ce que c'était plutôt rien de tout ça et que c'était quelque chose de très sec avec des plantes qui n'ont vraiment rien à voir avec des plantes de la culture. C'est vraiment une mine d'informations. Au niveau bactérien, c'est surtout parce que on a la possibilité de faire des cartes de traçage en fait des bactéries. À savoir qu'il y a vraiment typiquement des bactéries qui vont être endémiques d'une région plus que d'une autre. Là, typiquement, à l'heure actuelle, il est particulièrement connu qu'on va avoir une bactérie du nord de l'Afrique qui est extrêmement agressive pour le parodonte. D'ailleurs, on en revient là, qui s'appelle Actinomycetes cumitans. Et en fait, elle est vraiment endémique du nord de l'Afrique. Et les populations qui présentent ces bactéries-là, généralement, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, elles ont été en contact avec cette région. Donc, du coup, de la même manière, dans les populations archéologiques, en utilisant les bactéries qui sont dans le Tartre, on a la possibilité de savoir si ils sont, enfin, de tracer un petit peu leur chemin, en fait, leur cheminement, parce que il y a des endroits où on va pas du tout retrouver telle ou telle bactérie, alors qu'il y a des endroits où on ne trouvera que celle-là. Et donc, du coup, ça va permettre de savoir un petit peu, comment ils ont bougé, tout simplement. Mmh. Et alors, jusqu'à quel degré de détail on peut aller dans le fait de retracer un régime alimentaire ou ce genre de choses? Alors, en fait, on va pouvoir, donc ça, c'est en étudiant. Alors non pas tellement le tartre en lui-même, mais plutôt la dent. Donc en étudiant les stries de surface, on va être capable de discerner un régime alimentaire plutôt végétal, à tendance plutôt végétarienne, ou un régime alimentaire plutôt carné, en fait, parce que l'alimentation, la mastication de ces aliments ne va pas du tout être la même, il ne va pas laisser les mêmes traces à la surface de la dent. Donc ça, c'est quelque chose qui a été étudié, pareil, dans les années... alors que je ne dise pas de bêtises, les Puech... technique, en fait, c'est la technique des répliques de Puech. Puech, lui, il a fait ça, c'était quand même assez... c'était en 77, voilà, c'était en 77. Puech a décidé de partir en exploration, en fait, de la surface dentaire. Donc, il a étudié un petit peu toutes les surfaces. Il a essayé de voir laquelle était la plus pertinente à étudier pour un petit peu focus sur un endroit qui était vraiment, vraiment intéressant. Donc, il s'est rendu compte que c'était la face vésibulaire de la cuspide mésiale de la première molaire mandibulaire. Donc, en fait, pourquoi la première molaire mandibulaire? Tout simplement parce que c'est celle qu'on appelle la dent de 6 ans. Donc, à partir du moment où elle est en place, c'est celle qui a passé le plus de temps en bouche dans l'individu. Voilà, c'est vraiment la première molaire qui va arriver en bouche, la première molaire mandibulaire, parce qu'en plus les dents mandibulaires arrivent avant les dents maxillaires. Donc la première molaire mandibulaire, c'est celle qui passe le plus de temps en bouche dans l'individu. Donc du coup, c'est celle qui va être la plus marquée, forcément. Et donc après, pourquoi la face vestibulaire, c'est-à-dire la face du côté de la joue, de la cuspide de l'avant de la dent? Tout simplement parce qu'il a vraiment étudié le cycle masticatoire et il a réussi à voir quelle était la surface qui allait être le plus souvent en contact de la dent antagoniste et donc du coup qui allait le plus être porteuse de ce côté du broyage en fait de l'alimentation et qui va le plus porter les stigmates de l'occlusion et de la mastication. Donc une fois qu'il a étudié tout ça, il s'est dit que il allait falloir quand même essayer de voir un petit peu plus clair là-dedans. La surface de la dent en elle-même, il faut savoir qu'en 77, évidemment, on n'avait pas toutes les microscopies électroniques à balayage et transmission, donc il faisait un petit peu avec les moyens du bord, et lui d'abord, il est parti en microscopie optique. Mm-hmm. La microscopie optique, en fait, c'est bien gentil, mais c'est pas en utilisant une dent en elle-même qu'on va pouvoir y arriver. Il faut absolument utiliser quand même des contrastants, ce genre de choses, parce que sur une surface dentaire complètement blanche, essayer de discerner et surtout d'analyser d'Estrie, c'est quand même un petit peu mission impossible. Donc du coup, il a utilisé des répliques, ça s'appelle la technique des répliques de pêche, et il a utilisé tout simplement une petite goutte, donc il faisait une empreinte de la dent, et il, dans cette empreinte de la dent, il versait une petite goutte de vernis. Donc moi, dans ma thèse, je l'ai reproduite, cette technique. C'est bête comme chou, hein. C'est du vernis transparent, du vernis pour les ongles, hein. C'est exactement la même chose. Il faut pas forcément du matos de folie. Par contre, il faut impérativement que ce soit quelque chose de relativement fin. Mm-hmm. Une fois que ça a bien séché, en fait, ça fait une espèce de petite, une toute petite coquille comme ça qu'on détache délicatement de l'empreinte et on la passe au microscope. Donc le but va être de pouvoir mettre vraiment bien du contraste. Et puis après, on en fait une photographie. Et bah après, on trace des petits traits. Et puis on compte. Et puis on voit l'angulation. On voit la profondeur. On voit la largeur. On voit s'il y a beaucoup de stries simples, s'il y a beaucoup de stries doubles ou de stries triples, voire même. Et en fonction de ça, bah, du coup, on a la possibilité de voir si c'est plutôt végétal ou si c'est plutôt carné, en fait, comme alimentation. Alors évidemment, depuis Puech, il y en a qui se sont dit que ce serait quand même un peu plus intéressant d'avoir des choses plus précises avec l'électronique, enfin de la microscopie électronique. Donc il est évident que maintenant on a la possibilité d'aller chercher un peu plus de manière un peu plus poussée, mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont vraiment des techniques qui n'ont rien de propre à la paléodontologie, ça va être plutôt en fonction du matos qu'on a à disposition. Okay. Faire un petit peu avec les moyens du bord. OK. Alors, juste dans l'idée de quel matériel tu peux utiliser, il y a 3, 4, 5 dans la chatroom qui demandent si on prend du tartre sur soi, est-ce qu'on peut regarder avec un microscope optique et déduire des choses déjà, ou est-ce qu'il faut plus d'outils que ça, des colorations et ce genre de trucs? T'as un peu commencé à répondre, mais... Alors, en fait, en microscopie optique, enfin, il faut quand même avoir un vrai bon microscope parce qu'il faut quand même un fort grossissement, quand même. On va pas être, on va pas, enfin, voilà, c'est pas juste le petit microscope de qu'on avait en cinquième qui va beaucoup nous aider. Après, coloration spéciale, non, pas forcément. Pas forcément parce que les bactéries, elles ont vraiment une forme très particulière. Après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que sur un individu archéologique, le tartre, la plupart du temps, c'est du tartre qui s'est formé au cours de toute une vie. Alors que normalement, si tout se passe bien, à l'heure actuelle, c'est du tartre qui n'est censé durer que depuis l'année dernière. Et donc, du coup, il ne doit pas y avoir trop grand-chose qui sont incluses dedans. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec du tartre purement actuel, on n'a pas énormément de choses qui sont incluses vraiment dans le cristal de tartre. Et déjà, en fait, il faut dissoudre délicatement le cristal calcique pour pouvoir mettre un petit peu faire ressortir tout ce qu'il y a à faire ressortir. Mais sinon, normalement, les bactéries, à moins de vouloir vraiment faire une analyse bactériologique poussée, où effectivement, on va aller chercher à mettre en avant plutôt les grammes moins, les grammes plus et ce genre de choses. On va utiliser des colorations différentes pour pouvoir les mettre en évidence. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y en aura pas forcément des tonnes, en fait. Parce que normalement, on n'est pas avec des quantités de tartre suffisantes et surtout des quantités de tartre qui ont eu le temps d'incruster suffisamment de choses pour que ce soit vraiment probant. Mmh, d'accord. Il y avait quelques autres questions dans la chatroom à ce propos. Claire, tu veux les relayer peut-être? Oui, c'était des questions qui sont arrivées un petit peu plus tôt, mais toujours 3, 4, 5 qui demandaient au début. Bah, les dents de sagesse étaient... Alors, attends, c'est pas celle-là qu'il faut que je te lise maintenant. Il y a trop de questions. D'accord. Alors voilà, c'est 3, 4, 5 et finalement, qui a posé deux fois la question. Qu'est-ce qu'il peut faire s'il prend une dent de lait de son enfant? Est-ce qu'avec un microscope optique, il va voir les stries? Et après, qu'est-ce que ça va lui dire? Alors, donc les stries, elles sont là uniquement pour nous renseigner sur son régime alimentaire. Donc du coup, en fait, ce qu'il pourra, si vraiment il a envie de s'amuser, c'est d'essayer d'observer la corrélation entre ce qu'il a donné à son enfant, le régime alimentaire dont a priori il doit être au courant, et la forme des stries qu'il va trouver. En fait, c'est vraiment de s'amuser à pouvoir mettre en parallèle en fait le régime alimentaire connu et de voir exactement quelles stries sont observables. Donc en fait, Donc c'est pas directement à même la dent, hein. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire une petite réplique. Donc il faut faire d'abord une empreinte avec du silicone d'assez bonne précision et pour pouvoir vraiment bien noter toutes les stries et puis faire donc la réplique avec une petite goutte de vernis et après la passer au microscope. Moi à titre indicatif, j'ai pris mes clichés à x50. En fait. Okay. Donc voilà, ça permet de visualiser, d'avoir suffisamment de recul en fait pour avoir un paysage d'ensemble et puis voilà. Alors après, par contre, ce qui se passe, c'est que sur une dent de lait, c'est un petit peu particulier parce que elles ont tendance à être beaucoup plus friables. Et je vais répondre à la question de Max et Lavie juste après. Et elles sont beaucoup plus friables et ce qui fait qu'elles vont elles vont être marquées de manière différente. Ce qui se passe aussi, c'est que les enfants souvent sont sujets à du stress, ils vont beaucoup grincer des dents et donc en fait ils vont faire disparaître un petit peu ces stries parce que les dents vont vraiment être meulées. Les enfants en fait grincent énormément des dents la nuit. Mmh. Et ce qui fait que les dents sont vraiment meulées, donc c'est un peu particulier. Le cas de la dent de lait est un peu particulier pour étudier les stries, mais ça n'empêche que par simple curiosité scientifique, c'est parfaitement possible de faire une petite empreinte avec du silicone, une petite réplique, et puis de mettre ça au microscope et puis de voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, ok. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que avec un moulage quelconque, on peut faire ça à la maison. À condition d'avoir un bon microscope et puis de pouvoir voir un petit peu. Mais sinon, ouais, clairement. Bah, ouais, sans 50 fois, c'est pas si grand. Enfin, si petit. ouais, après, il faut quand même, le but, si vraiment on veut pouvoir l'analyser, faut avoir un appareil numérique qui soit mis dessus, pour pouvoir l'analyser après. Donc, si on a vraiment envie de, si c'est pour pouvoir vraiment faire une analyse et puis s'amuser à regarder un petit peu l'angulation, à compter vraiment les stries, faut pouvoir faire des clichés. Mmh. Et sinon, après, si c'est juste pour regarder, effectivement, ça, c'est vraiment... pour le coup, il n'y a pas... Si c'est juste pour observer, il n'y a pas besoin, dans tous les cas, d'avoir un labo... D'avoir un labo d'anthropologie en mode couteau suisse. Non, il n'y a pas de problème. Et tu as d'autres recommandations de matériel do-it-yourself pour analyser les dents à la maison ou... Qu'est-ce qu'on peut faire le week-end avec nos dents pour avoir nettoyé des crânes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les dimanches plus vieux? Qu'est-ce que je conseille pour les dimanches plus vieux? En fait, je suis en train d'essayer de réfléchir à comment regarder ma boîte de dents de lait pareil là. Je vais la regarder en me disant. Non. C'est sûr. Bah après sur les dents de lait, encore une fois, comme je le disais, c'est un peu particulier parce qu'elles prennent vraiment le déjà le cristal est bien moins élaboré, l'émail est beaucoup plus friable, la construction est pas exactement la même, donc la dent en elle-même elle va plus marquer que les autres. Et puis elle va pas vivre de la même manière en fait. C'est un peu particulier quoi. C'est vrai que la dent de lait mais il y a plein de choses qui peuvent s'observer et voilà. Alors après le dimanche plus vieux il vaut mieux en avoir plusieurs à ce moment-là et puis s'amuser à faire des comparaisons et puis essayer d'étudier. Après le do it yourself, le problème c'est que on peut avoir pas mal de choses qu'on étudie mais avec des radios. Donc moi c'est pour ça que le do it yourself en étant dentiste, moi je pouvais les ramener au cabinet et puis je leur faisais des radios, ça me permettait de voir un petit peu les lésions osseuses et ce genre de choses. Et puis justement d'analyser, on parlait tout à l'heure avec Hubelecker de l'édification radiculaire. Donc moi, forcément, avec mes outils radiologiques, ça me permettait d'avoir un petit peu plus d'informations. Quoi. Là, par contre, le do-it-yourself, c'est quand même rare, par contre, d'avoir de la radio numérique à la maison. Mais sinon, simplement, d'étudier un petit peu les pathologies, d'étudier la manière dont les dents ont réagi, d'essayer de voir, d'analyser... on voit, il y a une photo qui a été posée, si je clique dessus, du coup, c'est moi la changée. Tout le monde revoit celle que j'ai mise, là, avec les belles lésions infectieuses et la carie et tout un tas de trucs. Alors, la carie, oui, c'est, donc on a un crâne complètement explosé, enfin la mâchoire toute creusée d'une grosse carie dans la chatroom. Alors en fait, sur la radio, ce qui creuse l'os, c'est pas une carie, c'est vraiment une zone infectieuse. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les bactéries qui ont creusé et le système immunitaire qui ont essayé de se débattre contre elles. Donc en fait, cette destruction-là, presque, c'est plutôt un phénomène auto-immun. C'est-à-dire que c'est les défenses immunitaires de l'individu qui ont essayé de... Là, du coup, c'est la technique de réplique de poêle, c'est ma petite empreinte. Mais la lésion, vraiment l'espèce d'énorme cavité osseuse qu'on a au niveau de la mâchoire, c'est le système immunitaire qui a essayé de se débattre contre les bactéries contenues dans la racine qui est complètement éclatée. Par contre, elle, on est bien d'accord. Donc, qui a été vraiment creusé par de la carie. Et en fait, si on regarde bien, la racine, en fait, elle a commencé à se faire expulser complètement. C'est-à-dire que la racine, elle est plus du tout au niveau où elle devrait être. L'os et de manière générale les tissus avoisinants de la racine ont commencé un processus d'expulsion pour essayer de virer cet élément qui est considéré comme du non-soi par l'organisme, en fait. Donc, il y a vraiment un phénomène d'expulsion des racines qui ont été cariées, qui ont été tellement abîmées que du coup, on essaye d'aller virer tout ça. Et si on regarde bien, en fait, cette dent a complètement, c'est complètement fracturé, effectivement. Et celle de derrière, elle a complètement basculé vers l'avant. Elle a complètement basculé vers l'avant, et du coup, en fait, ça a influé sur celle qu'il y a en face. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une réaction en chaîne. À partir du moment où il y a une dent qui est manquante, toutes les autres dents vont bouger. Et en visualisant à quel point tout a bougé, on peut en déduire depuis combien de temps la situation elle est comme ça, en fait. Mmh. Donc là, typiquement, sur la situation, sur la situation qu'on voit sur la photo, à l'évidence, ça fait plus d'une dizaine d'années que le mec est en train de galérer avec ses dents qui sont complètement... Là, comme ça, il a quand même 1, 2, 3, 4 lésions infectieuses qui sont tellement volumineuses qu'elles vont faire une perforation osseuse. Et encore, pratiquement toutes les deux mémoires, j'avais fait les radios, toutes les dents de devant, au bout des racines, on a aussi une lésion. Donc, en fait, ce type, ça fait depuis 10 ans qu'il en chie. Le pauvre. Voilà. Et donc, c'est là où, en fait, quand on voit ce genre de choses, on se pose la question, est-ce que des fois, par hasard, ça l'a pas un tout petit peu fragilisé et ça l'a pas un peu poussé quand même, joyeusement, vers la tombe? Parce que là, il était quand même complètement perclus de zones infectieuses qui étaient forcément des choses qui étaient extrêmement fragilisantes pour lui. Ouais. De fait, parce qu'en permanence, son organisme essayait de lutter contre ça. Sauf qu'il pouvait pas... Il avait perdu d'avance, en fait. Pour ceux qui sont trop tristes de l'avoir en audio description, on mettra ça dans les notes d'émission. Hein. La photo. Alors, donc, du coup, j'avais vu deux questions de Max et Lavi. Donc, est-ce que le passage chez le dentiste, le détartrage et compagnie ne modifie pas ses stries? L'émail est la structure la plus solide du corps humain. C'est la structure qui est la plus calcifiée. C'est vraiment la structure qui est la plus dure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en dentisterie actuelle, on utilise des fraises qui sont diamantées. Avec des diamants de synthèse, évidemment, mais c'est seul l'émail est capable de d'attaquer vraiment seul le diamant est capable d'attaquer l'émail de manière suffisamment efficace pour avoir une destruction immédiate. En fait, sur du long terme, pourquoi est-ce que on va avoir des stries qui vont être créées par la mastication? Parce que dans l'alimentation et notamment dans les végétaux, on a des inclusions de silice. En fait, qui vont être des espèces de micro-inclusions qui sont microscopiques, hein, mais qui vont être... La silice, pour le coup, va être aussi vaguement assez solide pour pouvoir imprimer quelque chose. Par contre, le détartreur, en lui-même, c'est juste des vibrations qui, normalement, si elles ne sont pas manipulées par un bourrin, sont censées vraiment effleurer les dents et simplement mettre en vibration le tartre pour pouvoir le décoller. Donc normalement, on n'entre pas suffisamment en interaction avec le cristal de l'émail pour pouvoir le modifier. Alors évidemment, c'est opérateur dépendant. Hein. Je précise bien que si on a vraiment une brute, bon, bah, peut-être qu'effectivement, on va pouvoir voir une modification. Voilà. Mais normalement, si tout se passe bien, il ne doit pas y avoir de modification entre l'émail et le détartre, enfin le détartrage ne doit pas apporter de modification sur la surface de l'émail. Sur du long terme, sur du très très très long terme, on peut avoir une usure du brossage. Si on a quelqu'un qui utilise des brosses à dents qui sont très très dures et avec un brossage très très très musclé. Mais en l'occurrence, ça va pas être à l'endroit précis qu'on utilise pour pouvoir étudier des stries, puisque nous, on est vraiment sur la pointe de la cuspide, donc c'est vraiment au sommet de la dent, alors que les endroits qui vont vraiment subir l'usure, c'est l'endroit où l'émail est le plus fin, c'est-à-dire ce qu'on appelle le collet, c'est vraiment au ras de la gencive. C'est des gens qui vont avoir vraiment des gouttières qui vont être creusées au ras de la gencive, mais c'est parce que à cet endroit-là, très précisément, le cristal d'émail est extrêmement fin. Et voire même on est plus sur le sément, c'est-à-dire la petite couche protectrice de la racine, que sur l'émail en lui-même. Donc là, effectivement, à cet endroit-là, on va avoir une usure mécanique qui va être extrêmement importante. Mais nous, vraiment, c'est la pointe de la cuspide qu'on utilise. Donc, de fait, normalement, à cet endroit-là, le brossage ne va pas trop influer, ne va pas modifier la structure de surface. Ouais, donc, je retiens deux trucs. Oui. Pardon. Donc Robin nous a rejoint. Donc. Ouais. Pardon. Donc ça veut dire qu'il faut se brosser les dents pas comme une brutasse, sinon on défonce tout. C'est mieux, ouais. Et que donc tu peux redire quand on se fait détartrer les dents, on ne fait qu'effleurer, c'est ça? Absolument. C'est ça le terme que tu as utilisé. Tout à D'accord. fait. Oui, oui. C'est vachement l'impression que ça donne. Ah ben bah, ça c'est autre chose. Voilà. Après on entre dans le domaine de la déontologie et de la confraternité, donc je ne dirai rien de plus à ce sujet. Mais voilà. C'est très politiquement correctement dit. Il faut. Ouais, non, mais c'est le terme effleuré que je trouve particulièrement bien choisi, mais tout va bien. Eh ben, en fait, oui, mais c'est même de la logique pure, parce que, alors c'est contre-intuitif, hein, la manipulation des ultrasons dans le détartrage, c'est très contre-intuitif, c'est-à-dire que par définition, quand on a quelque chose de solide, on a l'habitude d'appuyer plus fort pour pouvoir l'enlever, en l'occurrence, dans la mesure où les outils ultrasonores utilisent des vibrations, vraiment, c'est un effet piézoélectrique. Donc il y a vraiment une vibration de l'insert métallique qui va venir frapper, percuter en fait le cristal de tartre. Plus on va appuyer sur une surface et plus ça va étouffer les vibrations. Donc du coup, on va juste transformer ces vibrations en effet joule, ça va se mettre à chauffer, ça va cramer, ça va faire super mal, mais ça ne va pas du tout être plus efficace. Alors que plus vraiment on effleure le cristal de tartre et plus vraiment on va avoir une percussion qui va être efficace, qui va casser le cristal de tartre, et puis du coup, c'est là qu'on décolle tout. Donc c'est pour ça que ça sert à rien, en fait, d'appuyer comme un bourrin quand on détarte, parce qu'on fait plus de mal que de bien, en fait. Ok. Alors, c'était la petite merci interlude. Pour les détails pratiques. Mais je vous en prie. Le plaisir est pour moi. Il y avait une autre question de Max et Lavie, qui est aussi un petit peu, effectivement, bon, c'est un peu hors sujet, mais comme ça, au moins, permet d'aborder le sujet. Le grincement de dents la nuit, de manière générale, c'est tout simplement parce que la nuit, le cerveau processe énormément de choses. Et pendant l'enfance, il y a énormément de choses à processer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les enfants, ils ont... chaque jour a son lot de découvertes, aussi bien d'un point de vue technique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue, enfin voilà, l'enfant dans son quotidien a énormément de choses qui lui tombent dessus, et c'est la nuit que le cerveau va un petit peu ranger tout ça à sa place et qui va construire des choses avec. Donc du coup, c'est vraiment une activité qui va être plus ou moins stressante en fonction du tempérament de l'enfant, en fonction de ce qu'il a à process, tout simplement. Et généralement, c'est évacué par une tension et par un grincement de dents. C'est quelque chose qui n'est pas propre à l'enfance. Par contre, ce qui se passe, c'est que, parce que ça se passe aussi beaucoup plus pendant l'âge adulte, par exemple, quand on est jeune adulte et qu'on commence à rentrer dans la vie active, la différence, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les dents de lait sont beaucoup plus friables que les dents d'adultes, et donc du coup, ça se voit beaucoup plus, c'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des enfants avec les dents qui étaient complètement meulées au ras de la gencive, en fait. Mmh, ok. Donc voilà. Alors, juste pour reprendre un peu le fil, du coup, parce qu'on a fait une grosse digression, là. Oui, pardon. je suis désolée. En fait, j'imagine, en toute logique, que tu dois pouvoir tirer des informations de n'importe quelle partie de la dent et de la bouche. Alors, est-ce que tu peux tirer des informations du sément dont tu parlais, là, à la base de la dent ? Oui, absolument. Alors, le sément, en fait, c'est quelque chose qui peut... La racine en elle-même, on va pouvoir l'utiliser en faisant un petit peu comme ce qu'on fait en dendrologie, c'est-à-dire les cercles dans les arbres. C'est-à-dire qu'au cours de la vie, en fait, il va y avoir une apposition progressive de tissus calciques de manière concentrique. Et en faisant des coupes radiculaires, on a la possibilité de, pareil au microscope, hein, on a étudié ça, et de voir la modification d'épaisseur en fait, des couches d'une année sur l'autre. Et notamment, en fait, chez les femmes, il y a une énorme variabilité hormonale, enfin qui est hormonodépendante de l'épaisseur de ces couches concentriques qui est apposée. Et en fait, c'est tout simplement, ça se traduit comment ? Bah, c'est-à-dire qu'à partir d'une coupe de racine, on peut dire combien d'enfants elle a eu. Ah, sérieusement ? Absolument. Waouh ! Alors ça, c'est fou. C'est comme les cernes d'un arbre, quoi. C'est Mais complètement. Oui, oui, c'est exactement la même chose. Alors ça, mais c'est incroyable. T'es dingue. D'accord. Ben bah, voilà. Donc, oui. si une femme meurt, on peut dire combien d'enfants elle a eu avec les cercles concentriques de couches tout de ciment de ses dents. Incroyable. Mais par contre, du coup, tu disais tout à l'heure en début d'émission qu'il n'y avait pas de dimorphisme sexuel au niveau des dents. On ne savait pas si c'était des dents d'hommes ou de femmes. Ouais, au niveau de l'anatomie générale. D'accord. Mais par contre, effectivement, si après tu vas chercher beaucoup plus en profondeur que tu fais des coupes et que tu te rends compte qu'il y a vraiment... qu'il y a des variabilités dans l'épaisseur des couches de ciment qui ont été apposées, c'est très certainement parce que c'était une femme, effectivement. Ok, c'est génial. Ah, c'est incroyable. Ok, alors du coup, peut-être une question un peu plus générale sur le sujet, mais j'imagine que analyser des dents et des mâchoires, etc., ça doit aussi te donner des informations de contexte comme ça sur comment les gens soignaient leurs dents et de quoi ils souffraient au cours de l'histoire. Alors, comment ils soignaient leurs dents ? Je vais être honnête, jusqu'à une période assez tardive, ça restait très, très, très sommaire. Hein. Le plus ancien manifeste, on va dire, la plus ancienne trace de médecine à visée purement dentaire qu'on retrouve dans l'histoire de l'humanité, c'est le papyrus Ebers, ouais. Qui est alors qui doit être à Turin, je crois bien, et qui fait vraiment, alors il fait pas que de la dentisterie, hein, il est vraiment extrêmement complet dans tout ce qui est médecine. Les Égyptiens anciens étaient particulièrement au point, hein, mine de rien, en termes de enfin par rapport comparativement aux autres populations à exactement la même période donnée, nous on était encore en train de patauger dans la bouillasse, que ils avaient déjà compris qu'il y avait des vaisseaux sanguins, qu'il y avait des artères, qu'il y avait des veines, qu'il y avait vraiment des choses qui se passaient. Ils avaient vraiment des idées extrêmement précises sur l'anatomie et sur un petit peu comment ça se passait. Il y a eu énormément de pathologies qui étaient décrites dans ce fameux papyrus Ebers qui ont été étudiées par des paléopathologistes, dans lesquels ils ont très très bien réussi à retrouver en fait les descriptions de certaines maladies en fonction des symptômes, et en l'occurrence donc tout ce qui était problème de carie. Alors les Égyptiens pensaient que la carie était liée à un ver, le ver dentaire. Ils pensaient que c'était vraiment un parasite en fait qui venait et puis qui creusait les dents. Par contre, ils avaient donc des idées assez précises de tout ce qui était la parodontologie, c'est-à-dire ils s'étaient rendu compte que des fois il y avait des problèmes qui n'étaient pas vraiment liés aux dents, mais plus aux gencives. Et alors, des choses qui sont aussi extrêmement, extrêmement troublantes pour l'époque, quand même, il faut remettre ça dans le contexte, on est quand même plusieurs siècles, voire même 1000 ans avant Jésus-Christ, ils avaient compris qu'il pouvait y avoir des infections au bout des racines. Et on a trouvé des mâchoires avec la trace de ce qu'on appelle des résections apicales à l'heure actuelle, c'est-à-dire où ils ont vraiment creusé l'os en regard de la racine qui était infectée pour pouvoir virer la partie infectieuse en fait directement. Alors bon, je sais pas comment c'était vécu par le patient, hein, ça c'est encore autre chose, mais ça n'empêche qu'ils avaient compris le principe des racines, qu'ils s'étaient rendu compte que il y avait des endroits privilégiés dans lesquels se développaient les infections et que c'était à cet endroit-là qu'il fallait agir. Donc ils avaient vraiment très bien décrit tout ça dans le papyrus Ebers, et ils avaient aussi établi une liste de pharmacopées, on va dire, de choses de choses à prendre, de traitements à prendre pour pouvoir essayer de se prémunir contre ça. Ce qui était aussi bien illustré par une stèle qui se trouve au temple de Komombo, où on a une immense stèle qui est très connue, où on a une table avec un personnage qui est assis devant, une table avec un amoncellement d'instruments. Vraiment un amoncellement d'instruments qui sont très troublants parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on n'a pas inventé grand-chose. Il y a énormément de ces instruments qui font encore partie de l'outillage que nous, on utilise à l'heure actuelle. On voit des daviers, on voit des sondes, on voit tout un tas de choses qu'on utilise encore à l'heure actuelle. Donc, il y avait les Égyptiens qui maîtrisaient quand même pas mal leurs trucs. Et à un moment donné, il y a eu un vide. C'est-à-dire qu'ils ont tout oublié. Et après, on est revenu plutôt sur toute la partie antique. On avait Paracels, on avait des grands noms, on va dire, de la médecine. Mais malgré tout, on était quand même beaucoup plus de l'ordre de la superstition, de l'ordre des remèdes de grand-mère, mais pas réveiller quoi la grand-mère hein je pense notamment faire bouillir ça fait un peu le pudding à l'arsenic hein, du sang de lézard des trucs comme ça, mais c'était vraiment pas pour rigoler quoi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des remèdes qui ont été consignés où il fallait faire bouillir le crâne d'une souris dans du sang de lézard avec des excréments de je sais pas quoi, et puis après il fallait se faire un gargarisme avec ce truc là quoi. Ils étaient persuadés que du coup ça allait vraiment changer grand-chose à l'histoire, et danser sur un pied enroulé dans du jambon à la pleine lune, tout ça. C'est un peu ça. Alors c'est pareil hein, dans la catégorie amis de la poésie. Bonsoir. Il y a pendant un bon bout de temps, c'était à Rome, hein, donc c'était bien pendant l'Antiquité. Le top du top de la hype, c'était de faire revenir par renfort la première urine du matin d'une certaine population de jeunes hommes sur une montagne espagnole, je sais plus trop où. Et pour s'en faire des bains de bouche, en fait. C'était vraiment le top de quand on était riche pour faire ces gargarismes quotidiens, de faire revenir la première urine du matin de ces mecs-là pour pouvoir se soigner. Et alors, paraît-il que c'était vachement bien pour les gencives. Je ne testerai pas. Hein, je n'ai pas non plus le goût de Enfin, je fais des expériences, mais enfin, ça reste limité. C'était vraiment. Mais je suis pas très aventurière. Mais alors, ce qui est très rigolo, c'est que ça, c'est très centré sur l'Europe. Mais l'idée de faire des bains de bouche avec de l'urine est arrivée quasiment simultanément en Amérique, puisque on s'est rendu compte que dans les populations Inca et Aztèque, on faisait aussi des bains de bouche avec de l'urine, mais par contre de l'urine de bébé. Ah. Voilà, il y a des petites variations. Alors, néanmoins, sincèrement, si on reste extrêmement pragmatique, c'est pas complètement déconnant, parce que ça reste l'un des rares fluides dont on a la quasi-certitude, bon, sauf si, comme par hasard, il est en train de se faire une infection urinaire, mais c'est l'un des rares fluides qui est complètement aseptique. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas... Dans l'absolu, bon, bah, c'est une si mauvaise idée que ça, mais enfin, fallait avoir envie, quoi. Et pendant... En fait, on en est resté à ce stade-là de la pharmacopée pendant très longtemps, vraiment très, très, très longtemps, jusqu'à des époques... où on se retrouvait avec la fameuse querelle des barbiers et des chirurgiens. Donc, on a eu toute une iconographie aux alentours du XVIe, du XVIIe siècle, mettant en scène des arracheurs de dents. Ah, donc, c'est là que la légende s'est formée. Et en fait, c'est évident que on a laissé, enfin, profession de dentiste a laissé un souvenir impérissable, parce qu'en même temps, l'anesthésie, elle a été développée à peu près en 1820, et c'était évidemment pas démocratisé, et c'était évidemment pas aussi efficace que ça ne l'est maintenant, et ça passait presque plutôt par la sédation consciente que par vraiment l'anesthésie, comme on la conçoit maintenant, avec une injection d'anesthésique dentaire. Ok. Du coup, pendant très longtemps, ça a été on est à 4 pour le tenir, et puis un petit coup de gnôle avant, un petit coup de gnôle après, et puis entre-temps, on utilise une pince et on tire dessus bien fort, quoi. Donc forcément, c'est sûr que pendant très longtemps, c'était ça, le traitement dentaire. Donc objectivement, on est quand même vraiment à l'aise pour pouvoir étudier les dents en se disant que potentiellement, il n'y avait pas grand monde qui était passé avant pour les embêter, quoi. Okay. Vraiment, c'était jusque très, très, très tardivement, il n'y avait pas de geste humain. En fait, c'est très moderne, le geste humain sur la dent dont on peut trouver une trace. Donc on doit plaindre les paléo-odontologues du futur. Les plaindre, oui et non, parce que du coup, c'est vrai qu'ils vont commencer à s'amuser à essayer de retracer l'histoire de la, s'ils ont perdu entre temps toutes les archives et toutes les choses, si c'était pas les odontologues post-apo, et qu'ils ont tout perdu, entre temps, effectivement, ils vont pouvoir retracer l'histoire de du soin dentaire. De la thérapie, enfin, voilà, des thérapeutiques dentaires, en fonction de ce qu'ils retrouveront dans les dents. Bon, on leur souhaite bonne chance, alors. Voilà. Alors, du coup, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une limite d'âge d'un squelette pour analyser les dents? À partir de quand tu peux plus tirer d'informations? Est-ce que ça reste très, très longtemps? Tu veux dire au niveau de l'âge de l'individu ou de l'âge resté en terre? De l'âge de la datation du squelette, quoi. Ah, globalement, sauf si effectivement il a été dans un milieu particulièrement acide pendant sa conservation, c'est très stable. Ok. Au cours du temps, il y a pas de souci, et techniquement, ça résiste même à la crémation. C'est l'un des rares trucs qui résiste à la crémation, en fait. Donc c'est vraiment la dent, elle reste vraiment intègre pendant tout un. Il y a que l'acidité vraiment qui peut l'atteindre. Okay. Donc honnêtement, si dans sa conservation elle n'est pas mise en contact avec de l'acide, elle tient la route. Ad vitam. Alors juste pour revenir un peu sur toi, tes travaux dans ta thèse, tu as réalisé tout ce genre d'analyse donc sur tes échantillons et ton site archéologique. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement si tu as pu tirer des conclusions de ça? Globalement, dans une situation qui est faste, on a vachement plus d'égalité. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de différence de traitement entre les femmes, entre les femmes et les hommes, entre les jeunes et les vieux. On va vraiment avoir, de manière générale, des états bucco-dentaires qui vont être assez homogènes, en fait, dans la population. Ok. Par contre, quand on est dans un temps beaucoup plus troublé, de manière assez surprenante, on se retrouve avec un meilleur état bucco-dentaire chez les femmes et un état bucco-dentaire relativement catastrophique chez les hommes. Alors, il faut visualiser que il va y avoir une inversion en fait des critères sociologiques. À l'heure actuelle, quelqu'un qui va avoir de très mauvaises dents, souvent c'est quelqu'un qui va être mal nourri, qui va avoir une alimentation déséquilibrée. C'est voilà, ça va plutôt être signe d'une pauvreté que d'une richesse. Alors que quelqu'un qui va être riche va avoir des dents qui vont être soignées, qui vont être nettoyées, qui vont être en bon état, qui vont être surveillées, etc. À cette époque-là, à partir du moment où on avait un mauvais état bucco-dentaire, ça sous-entendait quand même qu'il y avait une alimentation qui était beaucoup plus riche, qui était beaucoup plus sucrée, qui était beaucoup plus riche que quand on avait un état bucco-dentaire qui était relativement intègre. Ça sous-entendait qu'il y avait peu de sucre, qu'il y avait des choses plutôt fibreuses, qu'il y avait, c'était une alimentation qui était relativement saine. Okay. En fait. Et donc du coup, quand on étudie vraiment la population dans une période qui est troublée, et ben, en fin de compte, on réalise que les hommes ont été beaucoup plus, on les a quand même un peu plus gavés, l'évidence. Ils ont une alimentation qui est beaucoup plus riche que les femmes. Donc à partir de là, et c'est vraiment très très net, hein, c'est-à-dire que quand on est dans une période faste, on a les statistiques qui sont quasiment les mêmes entre les hommes et les femmes. Alors que par contre, à partir du moment où c'est soit le deuxième, soit le quatrième siècle, c'est-à-dire la phase de déstabilisation, on a vraiment une différence notoire entre les populations masculines et les populations féminines. Et clairement, on arrive à se rendre compte que bah, du coup, les comportements sociaux dans la population, dans le village, vont vraiment être marqués par la situation. Est-ce que tout va bien ou est-ce que bah, on est en temps de guerre et il faut essayer de se débrouiller. Okay. Et donc à l'évidence, les femmes étaient un peu moins nourries, un peu moins bien nourries, tout à fait. Incroyable. Ah, c'est super intéressant. Est-ce que dans la même veine, du coup, pas forcément dans ta thèse, mais hors de ta thèse, les dents, l'étude des dents, qui est du coup plutôt récente, comme tu expliquais, donc ça date des années 80, est-ce que ça a permis de faire de grandes avancées en archéologie funéraire, etc.? Ah, de grandes avancées, oui et non, parce que c'est un tout, en fait, comme on disait dans l'introduction, la dent, elle fait partie d'un tout. Donc, il va pas y avoir... Les avancées, elles vont être homogènes, c'est-à-dire qu'on va avoir des techniques qui vont se développer, qui vont permettre de découvrir des trucs sur les dents, mais aussi un petit peu partout ailleurs. C'est juste qu'en fait, l'étude des dents va permettre de rajouter quelque chose... Elle va rajouter une pierre à l'édifice, en fait, vraiment. Alors après, on va avoir des choses qui sont ponctuellement qui vont être très intéressantes. Je pense notamment à la découverte d'une profession, c'est-à-dire on va vraiment être capable d'établir la profession. Par exemple, il y avait une momie qui avait été retrouvée. Il y avait vraiment une lésion qui était très caractéristique sur une incisive latérale. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est parce que c'était une couturière. C'est-à-dire que c'est typiquement le geste de la personne qui tient son aiguille et qui coupe le fil toujours avec la même dent, en fait. Et ça, bah, jour après jour, sur toute une vie, et bah, son incisive va vraiment présenter une lésion caractéristique. C'est là où on parlait de tracéologie. Donc vraiment, tout a été bien observé au microscope pour essayer de voir la manière dont les mailles étaient abîmées à cet endroit-là. Est-ce que c'était de l'usure? Est-ce que c'était de la fracture? Est-ce que c'était... Enfin, tout ce genre de choses, des nuances qu'on utilise en tracéologie et qui ont permis de déterminer le fait que ben, cette momie-là, de son vivant, la dame, elle était couturière. Ok. Tout simplement. Donc voilà, c'est pas des avancées flamboyantes, c'est juste des petites choses qui vont permettre de compléter une étude globale anthropologique et puis de voilà, de rajouter un petit peu de profondeur au tableau. Ouais, ça doit être hyper satisfaisant aussi d'avoir des détails en plus sur la vie des gens, quoi, comme ça. Ah bah oui, c'est-à-dire que l'archéologie, enfin l'anthropologie a pour but majoritairement de faire parler les morts pour qu'ils nous racontent comment ils ont vécu. Oh. En fait, J'aime trop cette formule, pardon. En plus, c'est parfait, ce dossier est parfaitement bien huilé puisque tu parles d'indices pour faire parler les morts, donc... arrivons au sujet de la criminalistique, tranquillement mais sûrement. Mais oui. Tout ce que tu nous as dit depuis le début, tout ce qu'on pouvait faire dire finalement des dents sur les personnes à qui appartenait cette dentition, on peut l'extrapoler au domaine médico-légal. Alors là, du coup, je vais encore faire de la poésie de haut vol. Donc, autant l'anthropologie serve à faire parler les morts pour nous dire comment ils ont vécu, autant la criminalistique sert à faire parler les morts pour qu'ils nous disent comment ils sont morts, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vraiment, on va utiliser ces éléments-là, mais à d'autres fins, en fait. C'est-à-dire que la criminalistique, elle sert surtout à élucider les circonstances d'un décès. Donc, du coup, oui, ce sont des techniques qu'on va pouvoir utiliser aussi. Mais on va pas chercher exactement la même chose. Tous ces éléments sont aussi à notre disposition, mais c'est juste qu'on ne va pas utiliser la même chose parce qu'en fin de compte, pour savoir comment un individu qu'on a retrouvé est décédé, on ne va pas avoir besoin de savoir si à côté de chez lui il y avait des saules, des chaînes ou des hêtres. En fait, on s'en fout. Quand tu dis comment il est mort, on est bien d'accord que dans la criminalistique, tu t'intéresses à comment ça s'est passé, comment est-ce que la personne est décédée, mais tu as aussi toute l'identification du cadavre. Sinon, si c'est cadavre inconnu, donc il y a une partie des infos que tu nous as mentionnées depuis le début du dossier, estimer l'âge, le sexe, etc., qui peuvent être utilisées dans le même cas de figure, non? Alors, oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que on va effectivement utiliser l'anatomie de la mâchoire. En fait, ce qui va être utilisé, c'est ce postulat de base qu'il n'y a pas deux bouches au monde qui soient vraiment complètement identiques. Que ce soit au niveau de l'anatomie des arcades dentaires, au niveau de l'anatomie dentaire en elle-même, mais aussi et surtout maintenant à l'époque moderne, des dents manquantes ou des dents qui ont été soignées, de quelle manière elles ont été soignées. Et effectivement, on va étudier, on va moins aller chercher de la microscopie, souvent en identification dentaire, sauf vraiment quand on est dans des cas extrêmement... comment dire, on a vraiment, vraiment besoin d'aller chercher énormément de précision parce qu'on n'a pas énormément d'éléments à notre disposition. Mais dans tous les cas, on va utiliser plutôt des caractères macroscopiques qui sont effectivement l'étude de l'anatomie, de à la fois des dents, mais aussi des mâchoires à côté. Ce qu'on utilise aussi, qu'on peut utiliser beaucoup, c'est les empreintes des morsures. En fait. On arrive à faire des empreintes à partir des morsures et à reconstituer des arcades, des modélisations d'arcades dentaires dans le cadre d'une morsure sur un individu qui présente une morsure avec vraiment un marquage profond. En fait. Des morsures humaines et animales ? Absolument. Oui. Bah oui, parce que du coup, chaque animal va avoir un diagramme dentaire qui lui est propre et qui va pouvoir être retrouvé, en fait, qui va pouvoir être identifié sans avoir besoin de faire des recherches extraordinaires. Par contre, ce qui se passe, c'est que autant en dentisterie, on va avoir humaine, j'entends, on va avoir accès à des fichiers de centralisation d'identification dentaire, autant par exemple un individu a été mordu par un chien, ça va être extrêmement difficile de faire des recherches d'identification sur un chien précis, en fait, et de retrouver l'animal précis qui a été qui a mordu l'individu sur lequel on en train de travailler. On peut savoir l'espèce, j'imagine, mais effectivement, il faut retrouver l'animal pour faire un comparatif. C'est ça. Alors après, effectivement, c'est des comparatifs. C'est exactement ça. C'est beaucoup ça, en fait, la criminalistique. C'est beaucoup de la comparaison. C'est-à-dire qu'on va... On va observer quelque chose, et puis après, derrière, on va faire des expériences pour tester, et puis pour voir si ça a le même rendu, et puis faire des comparaisons et voir un petit peu la manière dont ça matche ou ça matche pas pour pouvoir établir. Mais alors après, à partir du moment où on est dans ce type de fonctionnement, on établit des avis, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas affirmer que c'est tel animal qui a mordu l'individu, mais on va dire que on a tant de concordances. Donc, je vais dire une bêtise, mais 96% de points de concordance entre le diagramme dentaire de cet animal-là avec la morsure laissée et étudiée sur l'individu, en fait. Mais on n'a pas le droit de. Ouais, c'est marrant, c'est. On n'a pas le droit d'affirmer. Je pense un petit peu sur la criminalistique au palais, et effectivement, on entend souvent dire que, quelle que soit l'empreinte, c'est exclusif, mais pas accusatif. C'est plutôt, on pourra dire que c'est clair que ça n'appartient pas à cette personne-là. Par contre, on ne peut pas certifier que ça sera cette personne-là à 100%. Quoi. On ne peut pas accuser. Par contre, juste... Absolument. Voilà, à 100%. Je reviens sur un truc que tu as dit. Il y a des fichiers automatisés nationaux des empreintes dentaires. En fait, il n'y a pas de... Enfin, non, c'est surtout que nous, en tant que chirurgien-dentiste, on a des dossiers dans lesquels on a vraiment trace de tout ce qu'on a réalisé chez les patients, et la sécurité sociale indirectement a trace de ces actes. En fait, depuis que tout est informatisé, en fait, toutes les fiches de sécurité sociale sont envoyées, tous les actes qu'on réalise et qui sont pris en charge par la sécurité sociale sont envoyés à la Sécu. Ils sont traités par la Sécu, donc normalement, techniquement, la sécurité sociale sait pour tous les patients qui ont été pris en charge quels ont été les soins dentaires qui ont été réalisés chez eux. Donc du coup, ça permet d'avoir déjà un certain recoupement, Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un individu qui est retrouvé dans la nature, on va faire un appel aux praticiens qui sont dans la région pour essayer de faire des recoupements, en fait, pareil. C'est-à-dire essayer de voir si ils ont connaissance d'un individu présentant... Alors, c'est faramineux, hein, c'est un travail de fourmi, mais enfin, la plupart du temps, il y a quand même des filtres. C'est-à-dire, par exemple, ils vont dire, est-ce que vous avez soigné un individu de sexe masculin entre 20 et 25 ans qui présente une extraction de telle dent, une couronne sur telle dent et donc, du coup, en fait, il y a vraiment une recherche qui est faite par ce biais-là auprès des praticiens pour pouvoir essayer de remettre la main sur, sur le patient qui, en l'occurrence, est aussi... Je trouve ça hyper intéressant parce que, tu vois, moi, j'avais toujours lu que... Alors, j'avais lu des trucs sur l'odontologie médico-légale et à chaque fois que j'en parlais avec des gens un peu du métier, ils avaient l'air de limiter ça plutôt à l'identification des... tout ce qui est accident de masse, comme le crash d'avion ou le tsunami en 2012. Parce que justement, là, il y a une liste des passagers ou une liste des victimes potentielles. Et du coup, l'idée, c'est d'aller, effectivement, comme tu disais, faire un appel, recontacter la famille qui donnera le nom du dentiste. Et le dentiste, effectivement, prêtera le fichier dentaire pour comparatif. J'avais pas du tout pensé qu'effectivement, dans le cas d'un cadavre inconnu, on allait faire un appel au dentiste du coin. Mais effectivement, si, ça se tient, ouais. En fait, le dentiste du coin, c'est plus vraiment, moi, ça nous arrive, alors heureusement pas très régulièrement, mais ça nous arrive en fait de recevoir des mails de la part de la CPAM qui nous dit, bon ben voilà, on a retrouvé un individu de tel âge qui présente tel ou tel truc, si vous pensez avoir parmi vos patients des individus qui seraient, qui correspondraient, ben rentrez en contact avec nous. Ou alors des fois, c'est carrément... Voilà, nous cherchons le dentiste qui a pu s'occuper de monsieur machin parce qu'il a été identifié, ou alors on a une suspicion et donc du coup on veut faire des recoupements ou ce genre de choses, mais c'est vrai que des fois on n'a pas forcément le choix. À partir du moment où tous les caractères faciaux ont disparu, peut-être parce qu'on tombe sur l'individu alors qu'il est arrivé à un stade assez avancé de putréfaction, donc du coup la reconnaissance faciale n'est plus possible, c'est là que la reconnaissance dentaire va prendre le relais, en fait. Donc là il y a des dentistes qui sont vraiment formés à l'identification médico-légale, mais là pour le coup c'est vraiment généralement ils font que de la criminalistique, en fait, hein. En fait ils sont assermentés, et ce qui fait qu'ils ont une valeur légale. En fait, leur avis a une valeur légale, alors qu'un dentiste entre guillemets lambda n'a pas de valeur légale. Donc, ils vont rentrer en communication éventuellement le dentiste traitant et le dentiste médico-légal. Ils vont rentrer vraiment en communication pour essayer d'établir une correspondance et une identification. Et c'est le dentiste médico-légal qui, lui, derrière, va établir une identification. Ou une approximation, enfin un avis en disant qu'il y a de fortes chances, un avis présomptif en fait sur l'identification d'un individu, et son avis à lui va avoir vraiment une, en fait c'est l'équivalent du médecin légale. Légiste, celui qui, voilà, il s'occupe pas que des cadavres, mais c'est lui qui a la Absolument. Valeur légale effectivement, ouais. Pour le procès, quoi, pour toute la partie purement dentaire, ouais. Et j'ai encore le droit de te poser des petites questions. Comme ça, tu me confirmes. En fait, t'es en train de me refaire ma vidéo d'exposé. Là, j'annonce, je suis en train de vérifier tout ce que je dis au public au palais de la découverte. Comme ça, je pourrais dire, écoutez, j'en ai parlé avec une dentiste, archéologue, paléontologue. Ce que je vous dis est vrai. Voilà. Moi, j'avais lu, mais en plus, c'est en plein dedans, parce qu'il y a une série qui va sortir à la télé, si j'ai bien compris, que l'odontologie médico-légale en France, elle était née en 1897 avec le bazar de la Charité. Il y a eu un incendie. Et apparemment, ce serait la première fois en France qu'on aurait utilisé des dents pour identifier les cadavres, vu que, comme tu disais à l'instant, c'était trop calciné pour utiliser d'autres types d'identification. On parle souvent de la duchesse d'Alençon parce qu'elle avait des dents en or. Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que la duchesse d'Alençon, avec ses dents en or... Il faut se méfier parce que le problème de l'or, c'est qu'il est très comment dire, c'est deux choses différentes, mm-hmm. On est d'accord, la duchesse d'Alençon, elle n'était pas dans l'incendie Non, voilà. Parce que dans un incendie, par exemple, les dents couronnées en or, l'or fond à une température relativement basse, donc du coup, il n'y a plus rien. Comme ça, le problème est vite réglé. Donc la duchesse d'Alençon avec ses dents en or, oui, effectivement, parce que les couronnes, les prothèses, tout ça, ça reste en place. L'or, c'est ça, ça se modifie que très très peu. Donc du coup, c'est vrai que ça peut s'étudier. Et puis souvent, c'est surtout chez des personnes qui ont bénéficié de soins aussi extraordinaires dans des époques pareilles. Forcément, il y avait des traces quelque part. Ne serait-ce que parce que le mec qui a posé les couronnes en or de la duchesse d'Alençon, il a dû quand même se faire de la pub, hein. Il a dû quand même se glorifier auprès de la bonne société. Donc il y a forcément des traces quelque part. Et effectivement, dans ces cas-là, ça permet de faire une identification indirecte, mais comme nous, on le ferait à l'heure actuelle de la même manière, sauf qu'il n'y a plus de dents en or. Enfin, s'il y en a encore de temps en temps, mais la plupart du temps, il n'y a plus des dents en or. Mais si on observe un patient avec une couronne sur sa 36, sur sa 42 et puis sur sa 16, ben il y a certainement pas énormément de monde qui va avoir les couronnes exactement au même endroit, et enfin voilà, donc c'est exactement le même type de principe. Pour en revenir à l'incendie, en fait c'est rigolo parce que c'est le père vraiment de l'odontologie légale, c'est Oscar Amodeo, et c'est un Cubain. En fait, le monsieur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que suite à cet incendie, il a fait, l'année suivante, en fait, il a édité un livre, mais qu'il était déjà en train de rédiger depuis quelques temps auparavant. Il s'appelle L'art dentaire en médecine légale. Et en fait, la légende dit que, enfin, la petite histoire dit que pendant un colloque qu'il était en train d'animer à Moscou. En fait, il a révélé que c'est pas du tout un médecin, ni même un dentiste, à qui il est venu l'idée d'utiliser les dents pour pouvoir faire l'identification dans le cadre de cet incendie. C'est, alors que je dis pas de bêtises, c'est le consul du Paraguay. Voilà, c'est ça. C'est Albert Hans qui a dit qu'en fait, vu qu'effectivement ils étaient tous carbonisés, qu'il n'y avait pas du tout d'identification visuelle possible, ben on n'avait qu'à demander aux dentistes, en fait, qui étaient à côté, qui les avaient soignés, pour pouvoir essayer de les identifier. Et donc, en fait, c'est lui qui a eu l'idée, le premier, d'utiliser les dents pour pouvoir faire de l'identification chez des personnes qui sont carbonisées. Et effectivement, c'était en 1897. C'est, ouais, c'est, en fait, je trouve ça pas si vieux, encore une fois. Ah bah non, non, non, non, mais il faut visualiser que, il faut remettre ça en parallèle du fait que, alors c'est pareil, hein, il faudrait que je revérifie mes tablettes, mais la première véritable faculté d'odontologie, où on a appris aux étudiants uniquement l'art dentaire et pas uniquement d'autres choses comme ça vaguement catapultées au milieu d'études médicales, ça doit être en 1892 ou un truc comme ça. Donc en fait, l'art dentaire n'est enseigné à titre de spécialité que depuis très peu de temps, finalement. Et il faut visualiser que les promos, c'était pas 40 personnes, ils étaient 10. Et puis il n'y en avait pas une dans chaque ville. Il y en avait, alors que je ne dis pas de bêtises, je crois que la première, d'ailleurs, elle devait être à Nancy. C'est pas du tout parce que je suis chauvine et que je suis Lorraine, mais il me semble bien que c'était à Nancy, et ou c'était peut-être la première corporation étudiante à Nancy. Pour le coup, c'est vrai que je ne suis plus très à jour dans mes connaissances, mais il n'empêche que du coup, c'est très tardif d'avoir vraiment la systématisation d'un enseignement dirigé de la chirurgie dentaire, de l'art vraiment dentaire, donc que ce soit les soins de caries, les soins prothétiques, ce genre de choses, les extractions aussi, les techniques d'extraction, c'est vraiment très, très, très tardif. Et auparavant, en fait, c'était enseigné un petit peu par du compagnonnage. En fait, c'était vraiment... avant de pouvoir prétendre à pratiquer l'art dentaire, il fallait avoir passé un an auprès d'un orfèvre. Fallait pouvoir avoir fallait justifier voilà, d'avoir, d'avoir passé un an d'apprentissage auprès d'un orfèvre. C'est fou. Bon, non, moi, je suis bijoutier génial. Dedans dans la vie. Et toi, tu fais quoi? C'est ça. Bah, disons que ça permettait de s'assurer que les personnes avaient quand même une certaine dextérité. Quand même. Ouais. Et on rappelle que les dentistes utilisent, du coup, pour le détartrage, des petits diamants de synthèse. N'allez pas braquer votre dentiste quand même après cette émission. C'est les fraises. C'est les fraises qui sont couvertes fraises, de diamants de synthèse, absolument. Bon, le diamant de synthèse, c'est pas très shiny. Ça vaut pas grand-chose. On est bien d'accord. Mais bon, une fraise montée en bague, ça peut faire son effet, mais c'est un peu typique quand même. En parlant de cadavres, il y a des boîtes maintenant qui te proposent de transformer ton chien mort ou ton chat mort en diamant. Ah mon Dieu. en diamant de synthèse. Du coup, tu pourrais techniquement fraiser des dents avec des animaux de compagnie, c'est formidable. Ça va être beaucoup trop long. Pardon, il est tard. Recentrons-nous. J'ai plus qu'une question à te poser sur la criminalistique. Ouf. Et après, on ne s'embête plus. C'est voilà, un bouquin un peu général de criminalistique que j'ai lu et qui n'est pas toujours très fiable sur ces infos. La preuve, à chaque fois que j'interroge un professionnel sur un truc que j'ai lu dans ce livre, globalement, il contredit un petit peu. J'avais lu dans ce bouquin qu'il y avait une seule dent qui permettait d'identifier un cadavre. Est-ce qu'une seule dent, ça suffit vraiment? En fait, je trouve que dit comme ça, c'est complètement péremptoire et c'est sorti de son contexte. C'est-à-dire que une dent, si la dent est relativement fraîche, qu'elle n'avait pas été contaminée par des bactéries, que la pulpe est relativement intacte, bah, j'ai envie de dire ouais, parce qu'on peut faire des recherches ADN et puis bah, basta. Déjà. Tout simplement. Après, par contre, de dire que une seule dent ex nihilo peut permettre de vraiment d'identifier un individu si l'ADN à l'intérieur n'est pas exploitable, ouais, je dirais non. Enfin, je dirais, c'est complètement, sauf si vraiment cette dent-là présente une particularité exceptionnelle et que. Ouais, enfin voilà, si dessus il a marqué son nom, bon effectivement, là-dedans, on va, oui, c'est effectivement. Mais ça reste relativement quand même anecdotique, hein, les personnes qui sont gravées leur nom sur leurs dents. Et donc franchement, si l'ADN n'est pas exploitable, une dent comme ça au beau milieu de nulle part, non. Non. On va pouvoir en étudier, comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir dire bah, si c'était une femme, si c'était un homme, en étudiant les couches de sémen, ce genre de choses. On va essayer d'en tirer un max d'informations, mais c'est tout. Quoi. Enfin, après, à côté de ça, ça va pas non plus. Ça va être succinct, quoi. Ça va être succinct. Si l'ADN est présent, oui. Il suffit de faire une extraction d'ADN et puis c'est bon, on a sa carte de visite. Mais ça nécessite quand même une conservation exemplaire, quoi. C'est-à-dire que si vraiment la dent a été contaminée, qu'elle a été la pulpe a été exposée ou ce genre de choses. Je recommande définitivement pas ce livre. Je vous donne pas le titre. Hein. À chaque fois que je parle à quelqu'un, médecin légiste, toi ce soir, voilà. Les professionnels le directeur de l'INPS, globalement, il contredit ce que dit. Bon, voilà. Mauvais livre. je nuance. Enfin, il contredit pas toujours, mais voilà, c'est souvent nuancé, exactement. C'est pas toujours contredit, mais c'est beaucoup c'est nuancé. C'est ça. Quoi. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Perrine, en tant que dentiste qui a son cabinet et tout ça, parce qu'il faut bien vivre, ma bonne dame, pour te citer au début. est-ce que actuellement t'as encore des opportunités de participer à des fouilles et de faire des recherches comme ça, et est-ce que les paléo-odontologues de formation font encore les deux, soigner et chercher? Alors déjà, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne connais pas forcément énormément de dentistes qui se soient vraiment spécialisés dans l'archéologie. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt des anthropologues qui se seront vraiment qui auront vraiment fait l'effort de se former dans ce domaine-là, et qui se seront souvent rapprochés de pôles, notamment il y a un très gros pôle de paléopathologie à Lille. Et donc là, en fait, là il y a un repère, là il y a un nid, clairement. Donc c'est des médecins légistes et des anthropologues qui ont vraiment fait une équipe qui vont essayer de tirer un max d'informations sur un individu, des individus qu'on leur refile à étudier en laboratoire. Donc après, pour travailler dans ce type de laboratoire, j'ai envie, il faut faire partie de l'équipe. C'est relativement fermé. Ils ne font pas forcément appel à des gens en permanence. Après, par contre, sur le terrain, potentiellement, n'importe qui peut aller fouiller. C'est-à-dire qu'il suffit... Les chantiers de fouilles sont bénévoles, hein, donc n'importe qui peut aller fouiller pendant les vacances d'été, un peu n'importe où. Après, quand ce sont des chantiers de fouilles qui sont plus fermés, qui vont être un petit peu plus chaperonnés, il faut être en contact avec l'archéologue et l'anthropologue en chef. Donc après, ça nécessite d'avoir des contacts. À titre personnel, oui, j'ai encore des contacts. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les opportunités de fouilles nécessitent forcément de leur consacrer énormément de temps. C'est-à-dire que si vraiment on veut faire une étude... déjà d'aller fouiller sur le terrain et puis après de faire les études en laboratoire, il faut dégager des semaines et des semaines entières. Et donc ça, c'est très difficile quand on a un exercice en cabinet à temps plein. Après, malgré tout, je me ferme rigoureusement aucune porte. Moi, je suis vraiment touche à tout. Là, le fait est que dans ma vie, j'étais dans une période de transition et j'avais besoin de me consacrer ma carrière de dentisterie pour pouvoir, on va dire, me refaire une situation stable. Mais je ferme rigoureusement aucune porte. Moi, pour le moment, en anthropologie, je me suis arrêtée au Master 2. En aucun cas, je ne m'interdis un jour de repartir sur une thèse universitaire si vraiment, à un moment donné, les planètes sont alignées. Vraiment, je ferme pas du tout, je ferme pas du tout la porte à ça. Et je pense que là-dessus, je ferai un petit peu de la même manière que pour mon cursus universitaire. J'irai la truffe au vent et... s'il y a quelque chose qui me plaît bien, ben j'irai. Je foncerai parce que des belles opportunités, en fait, ben on n'a qu'une vie. Et je préfère foncer et me faire vraiment plaisir. Et puis un jour, me retourner sur ma vie et me dire « T'es, j'en ai fait des trucs intéressants. » Plutôt que de me dire « Et putain, j'aurais pu faire des trucs intéressants, dites donc. » Et donc voilà, je préfère me dire que je les ai faits plutôt que « C'est con, j'aurais pu les faire. » Et finalement, j'ai pas chopé la balle au vol, quoi. Donc voilà. Ok. Wait and see. Belle philosophie, je trouve. Alors, je crois que Claire a encore deux, trois questions de la chatroom à relayer. Et ensuite, promis. Oh, je monopolise pas le truc. On finit juste avec deux, trois questions de la chatroom, si tu veux bien. Il y avait 3, 4, 5 qui nous demandaient en tout début d'émission. Apparemment, à un moment, on a parlé de compter les caries post-mortem. Donc, ils se demandaient, est-ce que ça peut se développer après la mort une carie? Il peut y avoir des lésions amélaires visibles. C'est ce qu'on appelle les lésions taphonomiques. La taphonomie, c'est l'étude des atteintes portées par le milieu d'inhumation sur l'individu de manière générale, sur les ossements, sur les dents en l'occurrence. Et en fait, c'est complètement pas du tout possible de faire la confusion avec une carie antémortem, en fait. C'est pas du tout les mêmes processus, c'est vraiment il y a les lésions taphonomiques liées à l'acidité du sol ne laissent pas du tout les mêmes marques qu'une carie vraiment. Une carie vraiment liée à des bactéries, la présence d'alimentation et ce genre de choses. Par contre, la taphonomie dans un sol acide peut clairement nous brouiller définitivement les pistes pour l'étude des stries ou ce genre de choses, parce que du coup, en fait, la dent va commencer un processus de dissolution vraiment complète, en fait. Ok. Ok. Voilà. On avait une question de encore 3, 4, 5 qui nous disait « La nouvelle du mois dernier, les Chinois ont trouvé un produit qui stimule la reconstruction de l'émail. » Alors, info. Complètement de l'intox. C'est impossible. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, les seules cellules qui sont en mesure de synthétiser l'émail disparaissent à partir du moment où la dent est arrivée sur l'arcade. Donc à l'âge adulte, il n'y a plus rigoureusement aucune cellule en mesure de synthétiser de l'émail. On peut stimuler la synthèse de la dentine, parce que la dentine en fait est synthétisée par les cellules de la pulpe dentaire, les odontoblastes. Mais par contre, vraiment, les cellules, les améloblastomes, en fait, eux, ils sont uniquement... quand la dent est en train de progresser dans l'os pour pouvoir faire son cheminement en vue de l'éruption dentaire, en fait, elle est entourée d'un petit sac fibreux qui est composé de ces améloblastomes et qui va créer la couche d'émail de la dent, en fait. Il est situé à l'extérieur de la dent. Et à partir du moment où la dent fait son éruption et sort, le sac fibreux disparaît complètement, les cellules sont lysées, en fait, elles sont phagocytées, il n'y a plus rien, il n'y a plus du tout une seule cellule en mesure de synthétiser de l'émail à l'âge adulte. Du tout. Voilà. Ok. Clair, précis, efficace, intox. J'aimerais bien que nos quiz soient aussi, aussi faciles. Et donc, Claire, il y a une dernière question ? Ouais, une petite dernière sur ta thèse, cette fois-ci, de Max et la vie. Est-ce qu'on se lavait les dents au 4e siècle avant Jean-Christophe à Lisieux ? Alors, c'est après Jean-Christophe, attention. Je précise qu'il n'a pas écrit Jean-Christophe, je vois J.C. Oui. D'accord, donc tu extrapoles, je vois. J'extrapole, Max, voilà, Max n'a pas été grossier vis-à-vis des religions, c'est moi. D'accord. Alors, oui et non. En fait, on n'avait pas vraiment de brosse à dents, on utilisait plutôt des cure-dents. Et dans les franges les plus hautes de la société, petit à petit, c'est même devenu un bijou. C'est-à-dire qu'on a des traces de petits pendentifs en forme de serpe, un petit peu comme ça, vraiment un truc un peu pointu. Et on utilisait des cure-dents pour enlever les choses qui étaient coincées entre les dents. Et c'est plus vraiment comme ça, mais vraiment le concept de brosse à dents en elle-même, c'est vraiment très très très tardif en fait. Hein. En tout cas, dans la population européenne, je sais que en Afrique, il y avait alors la période d'apparition de cette technique. Ça, par contre, comme je disais, malheureusement, moi, l'Afrique, c'est vraiment un territoire sur lequel je n'ai pas suffisamment de connaissances pour pouvoir affirmer. Ça doit pouvoir très facilement se retrouver, donc en fait, il existe des racines qui mâchonnait, faisait un petit peu comme un effet de brosse à dents et qui était du coup un petit peu frotté contre les dents, et ça raffermissait aussi un petit peu les gencives et c'est encore utilisé maintenant d'ailleurs dans la médecine de grand-mère au Maghreb. C'est assez connu. C'est une fois un patient m'en a parlé et pour le coup moi si c'est fibreux, que c'est pas sucré et que ça permet de frotter, et puis qu'en plus les sucs de cette racine des vertus naturopathiques sur les gencives, moi j'ai envie de dire YOLO, il n'y a pas de souci. Alors, il me semble que le nom au Maghreb, c'est le Siwak. Ah, c'est possible, oui, effectivement, tout à fait. Ouais. Et c'est la racine d'un arbuste qui, voilà, alors je peux chercher le nom de l'espèce, c'est Salvadora persica, voilà, me dit Google. Mais ça s'appelle tout le Siwak. Oui, tout à fait. Alors, donc ça faisait depuis quand même, enfin, ça fait un certain temps que c'est utilisé, et vraiment en là, pour le coup, vraiment avec une technique comme si c'était une brosse à dents. Et donc, ouais, le cure-dent pendentif, la start-up, pourquoi pas. Mais alors, attention, parce qu'à un moment donné, c'est même devenu vraiment le top du top du raffinement. C'était d'avoir d'un côté le cure-dent et de l'autre côté, ça faisait comme une petite cuillère, comme ça, et c'était pour se laver les oreilles. Ah oui, mais j'en ai vu, mais c'était un vrai luxe. Ah, ça, mais complètement. Fait, ah, attention, c'était le summum du luxe. Ah, attention. Là, on affichait, quoi. Ça, exactement. Oui, oui, oui. T'affichais le statut. Ton quota social, quoi. Exactement. Ah, mais oui. Le cure-dent. Mais complètement. Attention, là, on... Mais je suis à deux doigts de chercher sur Google. J'en veux un, je crois, en fait. Ça va pouvoir se trouver. C'est ça, le pire. Mais oui, oui, oui, oui. Et mais voilà. Oui, j'en ai vu des très beaux en or, effectivement, avec des pierres précieuses. Oui, oui, oui, oui. Alors les premiers étaient quand même assez archaïques, c'était vraiment juste le côté un petit peu pointu d'un côté pour faire cure-dent, et puis de l'autre côté vaguement un petit comme une petite cuillère pour pouvoir un petit peu cureter, quoi. Mais après ils se sont élaborés. Attention, ça rigolait plus. C'est génial. Eh bien, c'est sur ces histoires de cérumen et de cure-dent que nous finissons cette émission de podcast. Dans la grâce. Pendentif cure-dent sur Google, on te propose plutôt des pendentifs en forme de dents. Je suis un peu déçue. Ah, je suis désolée. Tu peux avoir ton collier de dents, si tu veux. Oui, oui. Je peux fournir les dents, si tu veux, pour faire un collier. Ah oui. Donc, on va finir du coup cette émission. Alors, Perrine, reste avec nous puisque tu nous as ramené une citation. Oui. Avant ça, je vous annonce le pitch de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, c'est émission Roue Libre sur Podcast Science. Comme toujours, il s'agira d'une succession de petites chroniques courtes des membres de l'équipe, mais nous vous donnerons également la réponse tant attendue au quiz du mois. Pour celles et ceux qui nous écoutent avant l'émission, il vous reste moins d'une semaine pour nous envoyer vos réponses. Et je rappelle que le quiz du moment est le suivant. Le téléphone portable démagnétise les cartes de crédit, un faux ou un tox ? Perrine, est-ce que tu as un avis sur la question ? Alors, je ne sais pas si... Je ne sais pas entre les deux ce qu'il peut y avoir comme interaction. Je sais que par contre, pour les tickets de métro, c'est la mort. D'accord. On aurait dû faire le quiz sur les cartes de métro, en fait. Voilà, donc vous avez encore une semaine pour nous envoyer vos réponses sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur notre adresse mail podcastscience@gmail.com et réponse la semaine prochaine. Voilà. Alors Perrine, je te laisse nous donner ta citation. En fait, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme ce que j'expliquais de ma philosophie de vie tout à l'heure. Donc c'est une citation que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry, qui est en plus un personnage que j'aime beaucoup, et qui a préconisé de faire de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est beau. J'aime beaucoup ce garçon. Oui, moi aussi. Eh bien, très bien. Je pense que c'est une belle façon de finir l'émission. Donc, merci encore, Perrine. Mais merci à vous, merci à toi, Léa. Merci d'être venue, c'était hyper intéressant. Je me suis régalée, perso. Oh, ça me fait plaisir. ça me fait plaisir. Donc, c'est la fin de cette émission sur les hommes, les dents, les morts, et surtout les morts, comme dirait Perrine. Surtout les morts, absolument. Encore merci, tu nous en as mis plein les dents, et plein la vue pour ceux qui étaient avec nous dans la chatroom. Si vous êtes jaloux, vous consulterez les notes d'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un épisode en roue libre. En attendant, que servir la science soit votre joie.